Et le début du mois quand on sera payé. Oui, exactement. Et en automne, évidemment, quand le ciel se dégage pendant la nuit, eh bien, les températures, c'est comme le visage, ça fait flop-flop. Et ce matin, on a eu des valeurs négatives dans certaines vallées de l'Ardenne. Et on aura la chance de revoir quand même du soleil, même si les champs nuageux commencent à arriver sur le pays. On a déjà des nuages d'altitude pour l'instant sur le centre, mais ils vont s'épaissir, ces nuages, au fil des heures. On ne dépassera pas 7 à 13 ou 14 degrés, avec en plus un vent modéré de nord à nord-est. Journée assez froide en perspective, il faudra profiter de la matinée. Demain, c'est plus nuageux, avec risque d'un peu de bruine sur les hauteurs. Samedi et dimanche, éclaircies averses, mais pas trop nombreuses. Température de 11 à 15 degrés. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Voici le journal. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est le jour de vérité pour Bernard Westphal. Ouais, sauf si les délibérations s'éternisent, le verdict devrait tomber dès ce soir. D'ici quelques minutes vont avoir lieu les répliques. 15 minutes de temps de parole pour chaque avocat, pas une de plus. Les derniers mots reviendront à Bernard Westphal, l'accusé. Ensuite, les jurés entreront en délibération. Ils s'enfermeront dans une pièce à huis clos pour répondre à une et une seule question, Fabrice Gérard. Oui, une seule question. Bernard Westphal est-il, oui ou non, coupable du meurtre de Véronique Piroton ? C'est à cela que les 12 jurés vont devoir répondre. Une ou plusieurs autres questions peuvent encore être ajoutées. La circonstance aggravante d'assassinat, par exemple, c'est peu probable, mais c'est techniquement possible. Et cela jusqu'au moment où le jury part en délibération. Alors cette délibération, elle se passe à huis clos et pendant leur discussion, les jurés ne pourront avoir aucun contact avec l'extérieur. Le vote, lui, s'effectue à bulletin secret. Si c'est 6 contre 6, Bernard Westphal est acquitté. Si c'est 7 votes en faveur de la culpabilité contre 5 en faveur de l'acquittement, c'est alors aux 3 magistrats qui ont présidé les débats de trancher. Précisons aussi qu'en cas de vote nul de l'un des jurés, c'est en faveur de l'accusé. Et puis il faudra aussi motiver la décision. C'est le président et les 2 assesseurs qui mettent les choses en forme et qui s'assurent à la fois de la pertinence juridique de la motivation et que le texte est bien un fidèle reflet de la délibération. Et vous pouvez suivre cette dernière journée du procès de Bernard Westphal en direct sur notre site internet rtbf.be/info. On ne connaît toujours pas les motivations de cet homme qui a agressé 2 policiers hier à Scarbec. Non, Hicham D, un ancien militaire de 43 ans, a agressé 2 agents à coups de couteau. Le parquet privilégie la piste terroriste. Le suspect est en tout cas connu des services de police pour ses liens avec les milieux radicalisés. Mais le bourgmestre de Scarbec, lui, n'en savait rien et il le regrette. Il semblerait que certains avaient peut-être quelques renseignements sur lui, sur son passé, et l'enquête le démontrera. Mais en tout cas, il n'est pas dans la liste des personnes qui nous sont transmises à surveiller particulièrement ou qui auraient un lien spécial avec le radicalisme qui justifie une attention particulière. Et vos services ne le connaissaient pas pour d'autres faits ? Donc totalement inconnu de nos services, donc totalement en dehors du radar. Et donc ça pose question. Bernard Clairfaille, le bourgmestre de Scarbec, avec François Heureux. Les syndicats reçus en ce moment chez le Premier ministre, Charles Michel leur avait promis après la manifestation nationale de la semaine dernière dans les rues de Bruxelles. Alors que le gouvernement discute budget en ce moment, les syndicats s'inquiètent. Ils craignent que le gouvernement touche à nouveau au pouvoir d'achat des travailleurs et aux allocations sociales. Demain, le secteur public manifestera à Wavre, la ville du Premier ministre, et des actions seront menées dans plusieurs secteurs. Les techs, par exemple, seront perturbés. Un nouveau conseil d'entreprise aujourd'hui chez Caterpillar à Gosselies, le 3e depuis le lancement de la procédure de licenciement collectif. 2 représentants de la direction américaine seront présents et cette fois, les syndicats espèrent obtenir des réponses à leurs questions sans problème de traduction. Anvers est apparemment de place to be pour les réfugiés. En tout cas, c'est là-bas que beaucoup d'entre eux décident de s'installer une fois qu'ils obtiennent leurs papiers. La Flandre et Anvers, en particulier, attirent davantage de réfugiés et Odile Lehert a voulu comprendre pourquoi. Dara Cheki est réfugié syrien. Aujourd'hui, il habite à Anvers. Mon frère vivait déjà ici et il m'a trouvé cet appartement. Ce qui l'a attiré dans la grande ville portuaire, c'est donc la présence de sa famille, mais aussi la chance de trouver un travail. Il y a plus d'opportunités de trouver un emploi ici qu'ailleurs. À Bruxelles, c'est le cas aussi. Mais il faut parler le français et pour moi, c'est difficile pour l'instant. Evelyne Denis est la directrice du centre de la Croix-Rouge namurois d'Ivoire. Les motivations de Dara Cheki ne l'étonnent pas. Les demandeurs d'asile qui sont passés dernièrement par son centre étaient aussi attirés par la Flandre, surtout les grandes villes flamandes. Notamment pour des questions de communautés étrangères installées à Anvers pouvant leur donner un appui. Notamment la recherche d'emploi, effectivement la présence du port d'Anvers. Diplômée en biochimie, Dara Cheki a un entretien d'embauche la semaine prochaine. Il faut dire que Gand et Anvers investissent dans la mise à l'emploi des réfugiés. Quant aux chiffres de l'Office flamand de l'emploi, il montre qu'un quart des réfugiés qui l'a accompagné trouve un job dans les 6 à 12 mois qui suivent. De quoi expliquer l'attrait exercé par les grandes villes flamandes. Et puis dans l'actualité, sport, les images pour aider les arbitres à prendre les bonnes décisions, c'est pour bientôt Sébastien. Oui, l'arbitrage vidéo débarque d'ici quelques semaines. Des tests grandeur nature auront lieu lors des play-offs 2 en avril prochain. S'ils sont concluants, ils pourraient être étendus et généralisés à tous les matchs de championnat la saison prochaine. La Belgique serait ainsi le 8e pays à instaurer l'arbitrage vidéo. Écoutez Pierre-François, l'administrateur délégué de la Pro League. C'est un souhait que partagent les amateurs de football et les arbitres. J'ajoute que l'arbitre principal aura, en cas de difficulté d'interprétation et malgré, je dirais, l'alarme que lui communiquerait le vidéo référé, toujours le dernier mot, c'est lui qui reste le patron de l'arbitrage du match. Alors les tests offline, c'est-à-dire sans incidence sur le match, vont commencer incessamment. Comme difficulté que ce vidéo référé, c'est pas simplement un autre arbitre qui, installé bien au chaud, regarde le match sur sa télévision. Il y a au niveau technique toute une panoplie à mettre en place. Donc c'est une question, maintenant j'ai envie de dire, de semaine pour que les tests offline commencent et pour que la formation des arbitres commence. Il faut que des vidéo référés sachent exactement quand et comment ils peuvent intervenir. Pierre-François, l'administrateur délégué de la Pro League, joint par Ebi Brouzakis. En football, dernier entraînement aujourd'hui pour les Diables Rouges avant leur match demain face à la Bosnie au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Un match qui compte pour les qualifications du Mondial 2018. RTBF, Mobile Info, Adrien Demey et pas mal de ralentissements un peu partout ce matin. Effectivement, et notamment à l'approche et dans la traversée des différents chantiers en Wallonie. Soyez donc vigilants à l'approche de ceci. Par ailleurs, un accident s'est produit, c'est sur l'E19 entre Valenciennes et Bruxelles, particulièrement entre Aubourg et Ville-Sorène. La bande gauche est entravée à cet endroit. Vous êtes d'ailleurs ralenti dans ce secteur vers Bruxelles. Ce véhicule en panne sur l'E42 entre Namur et Liège. Il se trouve au niveau du viaduc de Héron. La bande droite est encombrée et cela ralentit d'ailleurs le trafic également à cet endroit. C'est en direction de Liège. Pour le reste, un accident s'est produit dans l'échangeur de Strombeek. C'est la bretelle qui relie l'A12 venant d'Anvers au ring de Bruxelles vers Vilvoorde. Une bande est neutralisée sur cette bretelle et puis d'une manière générale sur le ring de Bruxelles. La tendance est à la baisse. Vous perdez tout au plus et tout de même encore une trentaine de minutes supplémentaires entre Haut-Titre et le Carrefour Léonard et 25 minutes perdues entre Grand-Bigard et Zaventem. Un peu de patience également encore sur les axes menant à Bruxelles ce matin et puis au cœur de la capitale. Cela ralentit suite à des travaux avenue Franklin Roosevelt. Des embarras de circulation conséquents, nous dit-on. Avenue de Fraix, chaussée de Waterloo, chaussée de la Hulpe, Drève de Lorraine, avenue de Boisfort. Et puis, sachez aussi que certains accès au bois de la Cambre sont fermés. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé. C'est parti pour 2 heures de débat. C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Eh bien, voyons quel sera ce matin votre verdict et votre sentence. C'est le début de C'est vous qui le dites. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-33-466, hier, l'avocat de Bernard Westphal a demandé au juré de répondre non coupable. Eh bien, on voudrait votre avis sur la pression. Y a-t-il une pression hors norme, extraordinaire, sur ces 12 jurés? Cette fois, nous y sommes donc à la fin de la journée. Bernard Westphal parlera une dernière fois et puis les 12 jurés se retireront. Hier, l'avocat de la défense, Maître Mayence, a plaidé plus de 5 heures, démontant point par point l'accusation. On retiendra le moment au cours duquel il décrit son client comme, je cite, un parfait couillon dans cette histoire d'amour. On retiendra la thèse de l'intoxication alcoolo-médicamenteuse. On ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais a-t-il dit. Et puis les mots de fin. Alors voilà, mesdames et messieurs les jurés, la plus belle preuve du doute dans ce dossier. C'est que personne ne sera satisfait de ce débat judiciaire. Je vous demande de le juger comme vous aimeriez être jugé. Fin de citation. C'est la question pour vous ce matin. Hier, l'avocat de Bernard Westphal a demandé au juré de répondre non coupable. Eh bien, on voudrait votre avis sur la pression. Y a-t-il une pression hors norme, extraordinaire, sur ces 12 jurés ? Les 16 étudiantes voilées de la Haute École de la province de Liège ont gagné. Elles peuvent porter le voile à l'école. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays ? Le tribunal des référés de Liège a donc tranché hier. Non, la haute école de la province de Liège ne pouvait pas leur interdire le voile. Son règlement intérieur précisait que le port de toute forme de couvre-chef ainsi que de tous les insignes, bijoux ou vêtements qui affichent de manière ostentatoire une opinion, une appartenance politique, philosophique ou religieuse est interdit. Eh bien, au tribunal, l'école avait fait part de plusieurs dérives et de pressions. Des filles voilées, des garçons musulmans auraient fait pression sur des filles non voilées. Et là, le juge a estimé que l'interdiction du voile n'était pas une mesure nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Si on veut empêcher le prosélytisme, eh bien le règlement sur le prosélytisme suffit. La question pour vous ce matin. Les 16 étudiantes voilées de la Haute École de la province de Liège ont gagné. Elles pourront porter leur voile à l'école. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays ? Et puis des enfants de primaire veulent faire régime parce qu'ils se trouvent trop gros et moches alors qu'ils n'ont aucun problème d'obésité. Un enfant qui veut faire régime, on le laisse faire ? C'est le phénomène qui est à la une de la presse flamande ce matin. D'après une étude de l'université de Gand, des enfants de primaire pensent au moins une fois par semaine à ce qu'ils mangent, à leur poids, à leur apparence, alors qu'ils n'ont aucun problème d'excédent de poids. Les experts parlent d'une tendance alarmante. Ce sont des enfants de 7 ans, parfois de 10-11 ans, surtout d'ailleurs des 10-11 ans, qui pensent à faire régime. Le problème, c'est que ce comportement problématique peut mener à des troubles de l'alimentation et on l'explique par la pression de ces modèles retouchés, la pression des poupées type Barbie notamment. Les enfants estiment qu'à l'école ou dans leur hobby, ils doivent avoir l'air bien par rapport aux autres. La question pour vous, des enfants de primaire veulent faire régime parce qu'ils se trouvent trop gros et moches alors qu'ils n'ont aucun problème d'obésité. Un enfant qui veut faire régime, est-ce qu'on le laisse faire ? Marion Jomode, standard ouvert. Oui, au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites, la pression sur les jurés du procès de Bernard Westphal, la victoire des étudiantes de la haute école de la province de Liège, elles ont le droit de porter leur voile en cours, et enfin, des enfants de primaire qui veulent déjà faire régime. Le débat commence maintenant, Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, et Gilles De Coster, journaliste à la chaîne flamande Vire s'installe en ce moment en studio. Benjamin, c'est à vous. Nawal et Gilles, bonjour. Bonjour. Premier débat donc sur la table, la longue plaidoirie hier de Maître Mayence au procès Westphal, sans maîtriser de A à Z l'ensemble des éléments du dossier. Il y a donc cette plaidoirie hier et il y a le moment ce soir à partir duquel les jurés devront décider. Y a-t-il une pression, à votre avis, qui est hors norme? Une pression, il y en a une, évidemment, Gilles, mais est-ce qu'elle est, dans ce cas-ci, hors norme, extraordinaire? Elle dépasse l'entendement? Oui, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que ce procès, est, à mon avis, doit être, en tout cas en Belgique francophone, le plus médiatisé depuis l'affaire Dutroux. Moi, je suis ça depuis la Flandre, où l'intérêt est beaucoup moins grand, et je remarque tous les jours, une attention très assidue sur tous les détails, tous les faits, tous les mouvements dans ce dossier, dans ce procès. Et je regarde ça avec un peu un étonnement. Et donc, à mon avis, les 12 quidam qui sont dans un jury là aujourd'hui et qui ont cette décision qui est terrible en temps normal à prendre, avec la moitié du pays qui les regarde, ça ne doit pas être évident. Je voudrais votre avis sur un message en face à face que Maître Mayence a délivré aux jurés. Nawal, il leur dit, je vous demande de juger comme vous aimeriez être jugé, mais c'est la suite qui est intéressante. En interprétant tout de manière favorable à l'accusé, parce que moi je le crois innocent. Il dit ça face à face au juré, est-ce que ça peut avoir un impact ? Mais c'est son rôle hein, de dire ça, forcément le doute profite toujours à l'accusé, donc il est obligé de dire ça. Maintenant moi je dirais plutôt, outre la pression médiatique qui s'explique par plusieurs facteurs, hein, bon voilà, on a le politique, on a un drame, on a un adultère, on a plein d'éléments qui expliquent que c'est surmédiatisé, mais la pression est énorme sur le jury, dans le sens où on a un accusé qui nie, et ça n'arrive pas tout le temps en procès d'assises, un accusé qui jusqu'au dernier jour nie complètement. Et je compare toujours ça avec l'affaire Storm, où là aussi on était face... Léopold Storm, oui, donc qui avait été accusé d'avoir tué ses parents et sa sœur, et qui jusqu'au bout niait. Donc c'est extrêmement difficile pour un jury, parce que tout repose sur leur épaule, plus que si on avait un accusé qui finalement avouait. Avant que la surmédiatisation n'arrange pas les choses hein, pour les jurés, ça doit être... Ils lisent les journaux, ils regardent les journaux télévisés aussi tous les jours, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Mais encore une fois, la surmédiatisation ne justifie pas tout non plus. Un juré n'est jamais complètement blanc quand il arrive dans une cour d'assises. Il suffit, je l'avais déjà dit ici, qu'il ait une sœur qui a été violentée ou n'importe quoi, ça peut déjà l'influencer. Donc on ne peut pas tout remettre sur la surmédiatisation. Je vous ramène non pas à l'état d'esprit d'avant procès, mais bien à l'état d'esprit qui doit être le leur maintenant. Faisons ce jeu de rôle, Gilles, puisque tout à l'heure ils partiront en délibération. Maître Mayence leur dit, je vous demande de juger comme vous aimeriez être jugé. Est-ce que ça, c'est une phrase qui vous touche, si on vous avait dit « Jugez, monsieur de Coster, comme vous aimeriez être jugé ». Mais c'est bien dit, oui, bien sûr. Et le procureur général aurait pu demander évidemment la même chose, vu qu'il est certain de la culpabilité de l'accusé. Là, ouais, la raison, quand on a quelqu'un qui nie les faits, la responsabilité qu'on rejette sur les jurés est énorme. En fait, on a décidé la culpabilité de quelqu'un. Donc, c'est quelque chose de très, très difficile. Et la phrase que vous me citez à l'instant, Benjamin, elle est bien vue, mais elle est tout à fait partisane à M. Besfal, vu que c'est son avocat qui l'a prononcée. On va demander un avis à Olivier Saint-Lambert. Christiane est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Christiane, on voudrait votre avis sur la pression. Est-ce qu'il y a une pression hors norme, qui est extraordinaire sur les 12 jurés de ce procès, de ce que vous en avez vu? Non, moi je ne trouve pas. La pression, elle était de l'autre côté, comme je viens de dire. Elle est où la pression? Mais avec toutes les accusations subjectives des autres. Mais à un moment, là, quels que soient les arguments des uns et des autres, les avocats maintenant sont hors course. Les seuls qui prennent la décision, c'est les jurés. Est-ce que c'est un moment d'une gravité intense pour vous? Oui, parce que justement, il y a eu beaucoup trop d'accusations et de cinéma subjectif de l'autre côté. Eh bien, Maître Mayence leur a dit, je vous demande d'interpréter tout de manière favorable à l'accusé. Est-ce que ça, c'est un élément, à votre avis, qui peut parler aux oreilles des jurés? Oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, il est innocent aussi, de toute façon, donc je suis de ce côté-là. Ah, mais Christiane, vous n'êtes pas dans le jury, et on n'est pas dans le jury, et ce n'est pas le tribunal ce matin. On est en manque d'éléments, vous le savez. J'aurais votre avis, Christiane, sur une autre phrase prononcée hier. La plus belle preuve du doute dans ce dossier, c'est que personne ne sera satisfait du débat judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait d'un procès où personne n'est satisfait du débat judiciaire? De toute façon, il y a plein de gens qui le croient coupable, donc ceux-là, ils vont être horrifié s'il est acquitté, s'il est acquitté, les autres seront contents. J'entends ce matin les avis et les théories des uns et des autres, mais un seul organisme dira s'il est coupable ou pas coupable. C'est le jury tout à l'heure ou peut-être demain matin, mais pas nous ce matin. Je termine autour de la table avec Nawal et Gilles. Personne ne sera donc satisfait, Nawal, du résultat de ce procès? Bon, ça c'est Maître Mayence qui le dit, c'est pas vrai, parce que les parties civiles ont répété plusieurs fois cette semaine qu'elles seraient satisfaites s'il était déclaré coupable. Elles ne veulent pas une peine de 30 ans, c'est pas ce qu'elles demandent, elles veulent juste une déclaration de culpabilité. Donc oui, à partir de ce moment-là, elles seront satisfaites. Je suis pas d'accord, je crois qu'il faut bien se réaliser qu'aucun procès d'assises ne satisfait tout le monde, aucun. Tout le monde, parce que c'est quelque chose de terrible, un procès d'assises, c'est sordide, c'est sinistre, on va des secrets familiaux, des secrets personnels qui sont exposés à tous, et on n'est jamais tout à fait content, même quand il y a une condamnation, même quand il y a un acquittement. Mais oui, mais elles ne sont pas non plus dans la démarche de vouloir à tout prix qu'ils soient condamnés à perpétuité, non. Donc ça, je trouve que c'est déjà positif du côté des parties civiles, c'est déjà pas mal. Mais quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, une satisfaction juridique, évidemment, elle est très maigre, mais enfin, moi je crois que les blessures resteront de toute façon de tous les côtés. Dernière chose, on a vu la complexité de ce dossier, l'intervention des

Voilà, une victoire dans le sens où ça pourra faire jurisprudence. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera autorisé dans toutes les autres écoles, hein, attention. Mais ça peut faire jurisprudence, oui, pour d'autres cas. Il y a un point d'une complexité précise, Gilles, je vous soumets ce point. Au tribunal, l'école a dit, écoutez, je dois interdire le voile parce que je vois que des étudiantes voilées et des garçons musulmans vont faire pression sur les non-voilés. Donc pour éviter ça, je dois interdire le voile. Et le tribunal a dit, interdire le voile, c'est pas proportionné pour ça. Vous pouvez pas utiliser cet argument-là pour eux. Écoutez, on parlait à l'instant de juge professionnel versus un jury d'assises, un jury populaire. Ici, on voit qu'il y a un tribunal qui a rendu, à mon avis, un avis tout à fait normal et tout à fait logique et plein de sens. Évidemment que le voile n'a rien à voir avec essayer de recruter des gens dans une certaine religion. Donc ça me paraît la logique des choses. J'ajoute, pour vous faire un aveu, que je suis fatigué du débat du voile. Mais profondément fatigué, parce qu'on l'a déjà fait, refait et retourné de tous les côtés. Et tout le monde reste campé sur ses positions. Donc les gens. Ces 16-là, il y avait un enjeu majeur. Elles n'étaient pas fatiguées. Alors je suis d'accord avec eux, mais appeler ça une victoire, on sait que ces filles-là vont probablement avoir des réactions tout à fait hostiles. Donc ça va continuer. Donc ce n'est pas forcément une victoire à ce sens-là. Et je crois qu'on peut refaire encore ce débat du voile jusqu'en éternité. On n'aura jamais satisfaction pour tout le monde. Hein. On vivait jusqu'ici avec ces écoles et ce règlement qui disait j'interdis tout signe ostentatoire, politique, philosophique ou religieux. On vivait avec ça, c'était ça le cadre réglementaire. Eh bien tout ça, pchit, ne vaut plus rien alors, Nawal. Ben non, parce qu'encore une fois, ça peut faire jurisprudence. Maintenant, ici, ça ne vaut plus rien. Est-ce que c'est dérangeant pour les gens qui ne portent pas le voile? Non, à partir du moment où, effectivement, ces jeunes filles ne mettent pas la pression sur les autres étudiantes. Parce que là, par contre, ce serait inadmissible. Parce que le directeur a dit que, visiblement, il y avait des garçons qui incitaient les autres filles à le porter. Aussi, oui. Et là, je refuserais et je dirais non. Et elles devraient être poursuivies en justice à leur tour. Il faudra y veiller. Voilà, il faudra y veiller. Ici, si c'est juste pour porter leur voile toute seule, rien que pour elles, il n'y a pas de souci. Moi, pour pas aller dans l'excitation générale, je me dis toujours, il y a des gamins aussi qui disent, ouais, mais il faut que tu portes absolument un truc d'une marque un tel. Il y a des pressions de tous les côtés chez les jeunes. Oui. J'essaie de voir ce port du voile comme une de ces pressions qu'on doit combattre de toute façon chez tout le monde, parce que sinon on n'arrive pas à faire le débat et on s'énerve. Donc voilà. Remis court, Nadia est en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Les 16 étudiantes voilées de la Haute École de la province de Liège ont gagné, elles peuvent porter le voile à l'école. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays? Mais je vais dire pour le moment oui, mais comme je disais à l'antenne, moi j'espère que la Haute École va faire appel. Personnellement, j'ai été là-bas, j'ai étudié là-bas il y a 20 ans. Et c'est dommage en fait que les écoles doivent faire leur loi elles-mêmes parce que aucune décision politique n'a été prise jusque maintenant. Donc c'est l'école. Ah, c'est le débat dans le débat. Chacun y va avec sa mesure. En quoi ça vous gêne, Nadia, voilà, que ces 16 jeunes filles aillent à l'école avec leur voile? Ben, en fait, j'ai vu hier le discours du monsieur qui avait pris leur défense, mais je n'ai vu aucune jeune fille qui venait prendre la parole à l'antenne. Donc, moi, je me demande si c'est pas justement une pression d'un homme ou de plusieurs hommes pour que ces jeunes filles continuent à porter le voile. Maintenant, c'est une école médicale. Donc, comment est-ce qu'elles vont faire? Est-ce que quand il y aura des actes pratiques, on ne pourra pas enlever le voile parce qu'on va faire l'anatomie de la tête ou ceci ou cela? Je vous lis la phrase complète, Nadia. Le juge souligne que le port du voile n'est pas un obstacle à l'enseignement ni une source de tension en soi. Il n'est pas un obstacle pour la plupart des activités d'enseignement, même s'il peut devoir être enlevé à titre d'exemple pour un contrôle avant un examen ou un stage. Ça vous va ? Mais ça, c'est la théorie. Entre la théorie et la pratique, il y a deux choses différentes. Et puis, une fois qu'elles seront sorties, est-ce qu'elles vont porter le voile dans les hôpitaux? Est-ce que les hommes... Déjà maintenant, les hommes refusent parfois de se faire soigner par certaines femmes. Alors, on va faire une conversation à la fois. C'est pas le voile sur le milieu et dans le milieu professionnel, c'est le voile à l'école, dans cette haute école où des étudiantes ont dit « Nous, les étudiantes, on a le droit ». Nadia, j'ai l'impression que ça vous chipote quand même. Un mot encore autour de la table. Gilles, le rapport maintenant. Ces étudiantes vont sans doute revenir dans cette haute école, mais avec une direction qui a perdu et qui avait une autre lecture de la société. Est-ce que ça peut être un bon mélange? Oui, enfin, ça restera à voir. À mon avis, ces jeunes filles vont pouvoir s'habiller comme elles le veulent et la direction va devoir revoir ses règlements. Et puis voilà, c'est comme ça et on continuera à cohabiter, j'espère, dans la... Pour grande des amitiés, parce que finalement, c'est pas très, très fondamental pour moi ce débat. Donc, alors, voilà. Pour le dire autrement, est-ce que l'harmonie peut encore exister à la haute école, sachant que les 16 victorieuses reviendront là où l'école ne voulait pas? Il faut voir comme chaque partie se positionne. Si le directeur est rancunier, il peut s'en servir contre elle. Si elle vient

Bah, déjà maintenant, la question de l'alimentation est devenue très importante dans les écoles. Moi, mes filles sont en maternelle. J'entends déjà ma petite de 4 ans qui me dit « je dois manger cela parce que c'est sain ». Donc déjà, ça, c'est positif quelque part. Mais pour vous dire à quel point la pression est là aussi, maintenant, il y a les autres enfants, il y a les Barbies. Et oui, ça ne m'étonne pas du tout que des petites filles de 7 ans aient envie comme ça de ressembler à des Barbies. D'ailleurs, un collègue me disait que les Barbies un peu plus rondes dans les commerces, eh ben, ça ne marchait pas. Les petites filles n'en voulaient pas. On a essayé pourtant de mettre des Barbies un peu plus ordinaires. Donc je trouve ça terriblement dangereux d'inciter un enfant comme ça à faire régime. Moi personnellement... Ah, c'est la particularité, c'est que c'est l'enfant qui s'incite lui-même. Oui. C'est pas les parents qui disent... Moi je dirais stop tout de suite à mes filles si ça devait arriver. Pas question de faire régime à 7 ans. C'est un souci, à mon avis, que beaucoup de jeunes vont rencontrer à un moment ou à un autre, qu'on se sent mal dans sa peau, alors que ce soit un problème de surpondération ou autre. À un moment ou à un autre dans la jeunesse, on va se sentir mal dans sa peau, mais de grâce, pas entre 7 et 11 ans. À cet âge-là, il faut se marrer, il faut aller jouer dehors, il faut se soucier de on trouve plus ses jouets, ou on trouve plus son bic ou son cartable, mais pas d'un problème de diète éventuel. Ça, c'est ça. Il faut laisser l'innocence à ceux qui sont en âge de l'avoir, parce que c'est ça qui moi, m'arrête là-dessus. Un petit de 9 ans qui se trouve moche et gros, alors qu'il a une silhouette totalement fine, qu'est-ce qu'on dit, Gilles ? Puisque lui se trouve gros. Et vous voyez bien, vous l'adulte, qu'il ne l'est pas. Il y a une autorité pour moi qui est absolue et qui vient des parents et qui dit arrête ton cinéma et on fait pas de... Voilà, tu es parfait, tu es très beau. Et il faut continuer à parler au gamin parce que finalement, on l'éduque. À 11 ans, il a pas une idée de s'il est trop gros, pas trop gros. Mmh. Il peut le croire. Mais objectivement, il va bien se rendre compte à un moment ou à un autre qu'il ne l'était pas. Donc c'est aux parents, à ce moment-là, de faire un effort très très important d'éducation. Garçon ou fille, Nawal, c'est un garçon de 9 ans qui vous dit mais je suis gros, je suis gros. Mais non, tu n'es pas gros, mon garçon, et tu ne vas certainement pas te priver de manger des friandises de temps en temps. Par contre, je te conseillerais de faire un peu de sport. Ça, oui, ça peut être la solution, mais certainement pas de commencer un régime. Non. Au vent au Grand-Duché de Luxembourg, Jocelyne en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans quelle ville ce matin ? Là, je suis à Luxembourg, mais sinon, j'habite Nissy-la-Ville. Des enfants de primaire veulent faire régime parce qu'ils se trouvent trop gros et moches alors qu'ils n'ont aucun problème d'obésité. Un enfant qui veut faire régime, Jocelyne, on le laisse faire ou pas ? Absolument pas. Mais il se trouve trop gros. Un enfant, moi j'ai une petite fille, elle a 9 ans, et elle-même, elle ne se trouvait pas trop grosse. Mais il y a des petits garçons à l'école, elle a un petit copain qui n'est pas toujours tendre avec elle, qui lui dit « Écoute, tu es grosse ». Et donc, ça la perturbe un peu. Parfois, elle me dit « Maman, il faut que je perde du poids ». Elle se met sur la balance et elle regarde son poids. Elle vous a dit ça à 9 ans, « Maman, je dois perdre du poids ». Oui. C'est quoi la silhouette de votre fille ? Est-ce qu'elle a un début d'obésité ou elle n'a rien du tout ? Non. Absolument pas. Enfin, elle est pas mince. Elle a sa sœur qui est plus grande qu'elle, qui est toute finette. Et elle est bien charpentée. Mais elle n'est pas obèse du tout. D'ailleurs, les médecins ont dit, elle suit sa courbe depuis qu'elle est toute petite. Votre intervention, elle va sur la balance, elle voit son poids. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Elle sait analyser ça ou elle ne sait pas l'analyser ? Elle ne sait pas l'analyser. En fait, disons qu'en plus, sa grande sœur pèse plus ou moins la même chose qu'elle. Donc, elle, pour elle, c'est vrai, son petit copain a raison. Elle est grosse, quoi. Donc, Fille à 9 ans, taille et poids. Oui. Taille et poids de votre fille de 9 ans. Allez, elle mesure 1m36 et elle pèse 36 kilos. Donc, 1m36 et 36 kilos. Les statistiques de Jocelyne, on verra si on peut aller plus loin dans la conversation. Je termine autour de la table. Gilles, cette jeune fille va sur la balance et dit « Maman, je dois maigrir ». Oui, c'est inquiétant. Et donc, je crois que madame fait un effort d'éducation, comme je le disais à l'instant. Ici, peut-être que la comparaison avec sa sœur peut rendre la chose plus difficile. Et de toute façon, on est très, très sensible à cet âge-là, à tout ce qui est comparaison. On n'a pas envie d'être autre, plus grand, plus petit, plus gros, plus mince, plus pauvre, plus riche que le prochain. Donc, c'est très difficile à vivre. Mais je crois qu'à cet âge-là, on doit pouvoir faire confiance absolue aux parents qui doivent pouvoir solutionner ce problème. À 16 ans, c'est une autre chose, c'est différent. Là, on commence à être plus individuel. Mais à 11, à 7, non. C'est les parents qui le solutionnent. Cette image, Nawal, est-ce qu'elle est terrible ? La petite fille de 9 ans qui monte sur la balance, peut-être avec son pied, teste la balance pour qu'elle se mette à zéro, puis monte dessus et voit un poids. Cette image est terrible ou pas ? Oui, elle est inquiétante, comme dit Gilles, cette petite fille se compare à sa grande sœur. Bon, moi, pour ma petite histoire, j'ai des jumelles, donc elles sont identiques. Il y en a une, effectivement, qui est plus mince que l'autre, on va dire. Donc j'ai très peur de ça. Elles ont 4 ans maintenant, mais à 7 ans aussi, c'est le miroir qui est en face. Est-ce qu'elle va vouloir absolument avoir le même poids que sa sœur? Ça fait peur. Et là, les parents doivent justement rassurer l'enfant et au pire, lui proposer du sport, mais certainement pas le priver. Nawal Ben Salem, Gilles de Coster, bonne journée tous les deux. Merci à vous. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Hier, l'avocat de Bernard Westphal a demandé au juré de répondre non coupable. Eh bien, on voudrait votre avis sur la pression. Y a-t-il une pression hors norme, extraordinaire, sur ces 12 jurés? Votre avis, on le voudrait. Les 16 étudiantes voilées de la Haute École de la province de Liège ont gagné. Elles peuvent porter leur voile à l'école. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays? Et puis des enfants de primaire veulent faire régime parce qu'ils se trouvent trop gros et moches alors qu'ils n'ont aucun problème d'obésité. Un enfant qui veut faire régime, est-ce qu'on le laisse faire? 070 233 466 et par SMS au 3063. Nous sommes à Jurbis. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui avez été juré dans un procès il y a plus de 10 ans, tout à l'heure les jurés du procès Westphal partiront avec tous les éléments, avec le face-à-face avec Maître Mayence hier. Est-ce qu'il y a une pression extraordinaire, hors norme sur ces gens? Mais disons que la pression, ce sont les médias qui le font généralement autour du procès. Mais quand vous êtes dans le procès, vous êtes quand même baigné dans l'ambiance du procès. Vous avez quand même des conseils, comme aujourd'hui, ils vont avoir des conseils des juges et on va leur remémoriser tout le procès. Quand on est juré, puisque vous l'avez fait, on pense à ce moment où on ira dans la salle de délibération ou aujourd'hui les jurés n'y penseront qu'au moment où ils se lèveront pour partir? Écoutez, quand on est dans le procès, on suit le procès réel, on ne songe pas ce qui va se passer par après. On y songe, mais pas directement. Il y a tellement d'ingrédients qui arrivent dans un procès comme celui-ci que moi je plains les jurés parce que c'est... Je pense que tous les jurés qui ont participé à des cours d'assises remémorent leur procès qu'ils ont vu, parce que c'est quand même une expérience difficile. Bon, c'est bien de voir un peu que le jury populaire décide, mais on est encadré, on est... Vous pouvez me décoder une phrase. Hier, l'avocat de la Défense, donc Maître Mayence, a dit aux jurés, jugez, je vous demande de juger comme vous aimeriez être jugé. Vous pouvez m'expliquer ce que veut dire cette phrase? Oui, mais c'est pas facile. Les jurés sont mis devant fait accompli. Chacun individuellement devra réagir. C'est pas facile, mais bon, ils devront chaque. Je veux dire, on est mis hors du procès. Les médias en parlent énormément, mais quand on est dans le procès, on écoute tout ce qui se passe à l'audience. Et on a, je pense que là, il y a une pression, mais la pression, elle est surtout vue de l'extérieur. Donc, elle n'est pas hors norme. Elle n'est pas hors norme, vue de leur point de vue. Quand ils sont dans le procès, ils reçoivent toutes les informations qu'on peut donner, et il y a énormément. S'il y a une pression, parce que votre contrainte, mais elle n'est pas aussi énorme qu'on voudrait le dire. Ah, c'est une info importante, c'est pour ça que votre éclairage est important. Vous avez été juré, si vous n'avez jamais été juré mais que vous avez un avis, venez répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une pression hors norme, extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose qui sort de l'ordinaire? Jean-François, vous dites non. Le RTBF Mobile Info maintenant, Adrien Demey. Oui, et ça ralentit encore moins que tout à l'heure, mais c'est encore dense. L'approche est dans la traversée de certains chantiers wallonies, notamment en province de Liège, du côté à l'approche du chantier de Cheratte en direction de Bruxelles. Vous perdez une dizaine de minutes de ce côté-là. Au niveau du ring de Bruxelles, la tendance est également à la baisse. Vous perdez tout au plus une quinzaine de minutes sur le tronçon entre Haut-Titre et le Carrefour Léonard, ainsi qu'entre Grand Bigard et Zaventem. Ça ralentit encore pour accéder à Bruxelles. Une quinzaine de minutes perdues tout au plus sur le 40 venant de Liège depuis Everlay jusqu'à Woluwe et Saint-Etienne. Et puis notons qu'à Bruxelles, des travaux vous ralentissent avenue Franklin Roosevelt. Le chantier est situé là, mais les embarras de circulation concernent l'avenue de Fray, la chaussée de Waterloo, la chaussée de la Hulpe, la Drève de Lorraine et l'avenue Boisfort. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous irons à Estine. Chantal viendra nous dire ce qu'il faut dire à un petit primaire qui dit « Je suis trop gros, je vais faire régime ». Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. C'est Jack, Jackpot. Je vais vous faire gagner des cadeaux incroyables. Pack beauté, séjour Talasso, vacances de ski et un peu plus de 32 000 euros. Choisissez vite votre cadeau préféré dans le magazine Ciné Télé Revue. Info et conditions sur ciné-télé-revue.be. Et au 070-233-466, Marion, sur la table, les 16 étudiantes voilées de la Haute École de la Province de Liège ont gagné. Elles pourront porter le voile. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays à ce propos? Et à ce propos, pour Joanie de Peroué, non, ce n'est pas une victoire, mais une défaite. Les filles doivent apprendre à aller à certains endroits sans leur voile. Quand elles sortiront de l'école, elles ne trouveront pas toute une place dans une entreprise qui tolère la voile au travail. Alors comment elles vont faire à ce moment-là? Alors, l'école, c'est l'endroit où on doit apprendre à respecter des règlements et à accepter de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, comme on veut. Le monde du travail, c'est pareil, nous dit Joanie. Il faut s'habituer à décontraindre et suivre des règles. C'est vous qui le dites à Estine. Chantal, bonjour. Bonjour. Et je sais que vous avez une petite fille de 2 ans et demi. Eh bien, des enfants de primaire veulent faire régime parce qu'ils se trouvent trop gros et moches. C'est ce que révèle une étude de l'université de Gand. Et ces enfants d'eux-mêmes disent « je fais régime ». Un enfant qui fait régime, on le laisse faire? Mais non, bien sûr que non. Oui, mais il vous dit « je suis gros ». Il faut apprendre à manger sainement. Non, il vous dit « je suis gros », il vous dit « je suis gros et moche ». Il faut en parler. Il faut lui en parler. Mais partout, que ce soit dans les magazines, à la télé, on voit, voilà, tout. Il faut être mince, il faut être belle, il faut être bien maquillée pour passer. Mais vous saviez voilà, que ça venait dès 7-8 ans, puisque l'étude flamande... Ah non, ça, je suis abasourdie et ça me fait peur parce que on leur montre trop. On parle tout le temps de, voilà, il faut être mince, il faut être belle, il faut... Attendez, je fais les cas de figure. L'enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans revient de l'école, peu importe ce qu'on lui a dit. Oui. Et il émet le désir de monter sur une balance. Il ne dit pas « je suis gros ou je suis moche », il dit « je veux monter sur la balance ». Ça, on le stoppe ou on le laisse faire? Mais on le stoppe, on en parle. On peut peut-être se renseigner à l'école, demander ce qui s'est passé. Et pourquoi vous n'allez pas avec lui sur la balance? Vous pourriez l'accompagner et aller voir le chiffre? Peut-être. Et alors lui dire « voilà ». Tu as un beau poids, tu n'es pas trop gros. Évidemment qu'il ne faut pas laisser les enfants devenir obèses parce que ce n'est pas bon pour la santé. Ils doivent avoir l'air bien. L'étude révèle que les enfants estiment qu'ils doivent avoir l'air bien par rapport aux autres à l'école et dans le hobby. Voilà. Ça, ce sont les enfants qui sont comme ça. Quand on est différent, on est toujours critiqué. Oui, mais nous, les adultes, au travail aussi. Quand on vient au travail, on veut être bien par rapport aux autres. Donc pourquoi les enfants ne pourraient pas avoir le même désir? Mais être bien, oui, mais pas au dépit de leur santé. Ils veulent parfois aller sur la balance et faire régime. C'est une idée qui les traverse au moins une fois par semaine. On dit stop s'ils veulent aller sur la balance, avez-vous dit Chantal. On verra si on peut aller plus loin dans la conversation tout à l'heure. C'est fonction de vos appels. Charleroi, Fatima, bonjour. Bonjour. Les 16 étudiants de volley de la haute école de la province de Liège ont gagné. La justice a dit, mesdames, mesdemoiselles, vous pourrez porter votre voile. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays ? Moi je pense que ce n'est pas une victoire parce qu'elle se trompe de bataille. Et le juge là qui a fait son jugement là, je trouve qu'il a fait une lourde erreur. Attendez, je ne comprends pas, parce que elle, leur bataille, c'est je vais devant le tribunal, le juge des référés, c'est-à-dire la procédure en urgence, parce que je vais aller avec mon voile et qu'on m'a dit non. Donc en quoi elle se trompe de bataille, puisque c'est leur combat ? Parce que c'est à elle de respecter le règlement de l'école. Donc cette haute école, elle a dit non pour en ce qui concerne le voile, elles doivent le respecter. Et en plus, c'est elles qui mettent la pression sur les autres filles qui ne sont pas voilées, donc c'est à elles. C'est elle qu'on doit attaquer en justice. Oui, mais alors, il y a eu micmac, Fatima, parce qu'au tribunal, l'école dit, moi je leur demande de ne pas mettre le voile parce que je vois que ces filles voilées font pression sur les autres. Et qu'est-ce qu'elle répond à la justice qui est au-dessus du règlement de l'école ? La justice répond, eh bien, si votre objectif c'est d'empêcher les pressions sur les non-voilées, alors ce n'est pas avec ce règlement, c'est disproportionné, ça ne colle pas, vous ne pouvez pas faire ça. Non, moi, si. Ah ben non, la justice a dit non. C'est une forme de harcèlement. Si, c'est une forme de harcèlement, puisqu'elles mettent la pression sur les autres filles. Et l'école, c'est elle doit réagir et dire non. Mais comprenez-moi, la justice n'a pas dit vous pouvez harceler. La justice a dit vous pouvez porter votre voile. Ah ben c'est ça l'erreur de la justice. Ah, c'était pas un procès sur le harcèlement des non-voilés, c'était un procès sur le port du voile. Et la justice a dit vous pouvez. 16 étudiantes ont gagné leur combat en justice. Vous commenterez peut-être ce débat-là tout à l'heure si vous le souhaitez. On marque une nouvelle pause et puis on voudrait votre avis sur la pression au procès Westphal. 12 jurés qui tout à l'heure partiront en délibération. Est-ce qu'il y a une pression hors norme sur ces gens ? Nous verrons ça dans une seconde. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse. La transparence. Cuisine Ixina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Ixina ? De la musique qui fait rêver ? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Ixina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Ixina.be, c'est bien pensé. Écoutez ça ! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel ! Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour revisiter notre terroir. La cuisine belge comme on l'aime. Avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Rentrer aussi chez Suzuki. Mais oui, venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement, soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. Viva, viva, viva, viva, viva. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, des enfants de primaire veulent faire régime parce qu'ils se trouvent trop gros et moches alors qu'ils n'ont aucun problème d'obésité. Un enfant qui veut faire régime, est-ce qu'on le laisse faire à ce propos? À ce propos, Gabriel de l'Aude-Linsard nous dit que non, il ne faut absolument pas laisser faire ça. Gabriel a 25 ans et lui, il suit des régimes depuis qu'il a environ 10 ans. Gabriel était un enfant et un bébé de type un peu rondouillet et toute son enfance, eh bien, ses deux grandes sœurs l'ont traité de gros lard, de gros plein de soupe pour l'embêter. Il a donc décidé de commencer un régime pour clouer le bec de sa sœur à l'âge de 10 ans. Depuis, Gabriel est obsédé par son poids, il ne sait pas s'arrêter de faire des régimes. Aujourd'hui, à 25 ans, il est toujours aussi obsédé par son image. Alors, il donne ce conseil aux familles. Le plus important quand on est enfant, c'est le regard de ses proches. Surtout, ne les traitez pas de gros lard, même si c'est pour rire. C'est vous qui le dites à Forêt maintenant. Moreau, bonjour. Bonjour, ça va ? Vous avez été juré dans un procès. Eh bien, hier, l'avocat de Bernard Westphal a demandé au juré de répondre non coupable et on voudrait votre avis sur la pression. Est-ce qu'il y a au moment, donc c'est-à-dire tout à l'heure à la fin de la journée, est-ce qu'il y a une pression hors norme, extraordinaire sur les épaules des jurés ? Pas pendant, pas avant, mais ce soir quand ils iront délibérer. Pour mon expérience, non, parce qu'on est vraiment enfermé et on a tellement d'informations, donc on fait vraiment abstraction de tout ce que les avocats disent. C'est leur rôle, hein, donc des plaidoiries, parce qu'elles sont vraiment extraordinaires et ça impressionne les jurys qui n'ont pas l'habitude. Ça peut renverser les situations. Est-ce qu'un Westphal qui plaide hier pendant 5 heures peut, avec des mots, des phrases, renverser un juré ? Moi, je pense pas. L'expérience, non, parce qu'on a vraiment des informations les informations sont vraiment énormes. Donc, avec tous les professionnels qui donnent des informations, c'est vraiment sur ça qu'on débat dans les salles, quoi. Votre délibération, elle avait duré combien de temps, vous ? Mais nous, c'était seulement deux faits. Donc, elle avait duré 3h30, ce qui était court, hein, pour une délibération. Il y a cette phrase, dites-moi ce qu'on en fait. Donc, les jurés du procès Westphal, ils ont entendu ça. Je vous demande de juger comme vous aimeriez être jugé, mais je vous demande surtout d'interpréter tout de manière favorable à l'accusé. Mais, oui, franchement, quand on est dans la salle, on fait vraiment sur tous les faits. Donc, ce que dit le légiste, on ne fait pas attention. On fait abstraction des plaidoiries parce que c'est le rôle des avocats de faire ça. Ah, donc ça sert à rien. Non, c'est le rouge, donc ils essayent d'impressionner. Mais je veux dire, moi, mon expérience à moi, c'est que nous, on a vraiment, quand on a débattu, c'est vraiment sur les faits et de tout ce qu'on a comme élément. Alors prenez deux secondes de recul, même si on est encore en plein dedans. Il a dit ça, Maître Mayence, hier. La plus belle preuve du doute dans ce dossier, c'est que personne ne sera satisfait de ce débat judiciaire. À quoi ça sert un procès où personne, à la fin, n'est satisfait ? Mais oui, c'est son... Allez, comme elle a dit la dame qui était avec vous, c'est son rôle d'essayer d'impressionner. Voilà, maintenant... Oui, moi, je vous demande un avis sur un procès au sens large. Un procès dont personne n'est content à la fin. Ça sert à quoi ? Parce que parfois, il y a des gens qui sont contents. Je suis acquitté, je suis coupable, la victime est reconnue, et pas reconnue. Mais là, personne ne sera content, d'après Maître Mayence. Mais je pense que quand on aura le jugement, on sera content. Parce que nous, je sais que nous, on était... Allez, en général, quand on a donné notre verdict... On était soulagés et on a vu que c'était le bon verdict. Soulagés, avec l'impression alors du devoir accompli et pas de pression. Ça semble se confirmer, donc pas de pression hors norme sur ces gens. 12 Belges qui tranchent tout à l'heure. Nous allons à EY maintenant. Serge, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Eh bien, 16 étudiants de volée de la Haute École de la province de Liège vont en justice et en référé, donc en urgence, elles gagnent. La justice dit, votre voile, vous pouvez le porter. C'est la victoire de toutes les étudiantes voilées de ce pays ? Ce n'est pas une question de victoire, c'est une question simplement de droit. Le problème actuel, c'est que les règles ne sont pas claires. D'un établissement à l'autre, ça peut être différent. Donc, vous pouvez aller avec votre voile dans un établissement, pas dans un autre, etc. Donc, le droit leur permet un recours, elles le font. Elles ont raison sur le plan du droit actuel. Ça ne signifie pas que la société ne doit pas réfléchir à imposer, une forme de neutralité dans l'espace public. Sauf que là, elle gagne une fameuse bataille. Hein, d'autres étudiantes voilées pourraient aller en justice demain et dire « Regardez à Liège votre décision de justice, donc il faut appliquer ça partout ». Vous avez tout à fait raison. Maintenant, ici, ça démontre simplement le fait que ça doit se légiférer à un autre niveau de pouvoir dans lequel il n'y aura pas de discussion. Et pour moi, ça doit se discuter au niveau fédéral. Et on doit imposer la neutralité par rapport à tout ce qui est signe ostentatoire, pour tout l'espace public, en tout cas les bâtiments publics, etc., pas la rue, etc., il ne faut pas non plus être dans une forme d'extrême. Cette décision de justice, elle ramène de l'harmonie, que ce soit dans l'école ou dans la société, elle ramène de l'harmonie ou elle n'amène pas d'harmonie ? Elle n'amène rien du tout, elle amène simplement la réflexion qu'on doit légiférer à un autre niveau et qu'on ne doit absolument pas stigmatiser une communauté dans ce fait, que ce soit la communauté musulmane ou une autre, ça doit être la même chose pour tous les signes ostentatoires, parce que les gens peuvent aussi se mettre en danger ou être victimes de discrimination. Ah ben ici, la décision de justice, elle a tout balayé. Hein. Le règlement, il parlait de tous les signes ostentatoires, pas que du voile, hein, puisqu'il parlait des autres signes qui, je cherche sur mon document la ligne adéquate, parlait de signes ostentatoires affichant une opinion, une appartenance politique, philosophique ou religieuse. Donc c'était pas un texte que sur le voile. Quelle conversation mènerons-nous tout à l'heure? Rendez-vous après les infos. Pomme de renette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapi tapi lif. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif, cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah! Hello, Hip, pour vous servir. Découvrez des promotions jamais vues grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Avec en ce moment, le jambon cru italien Montorsi à seulement bam, 9 euros le kilo. Faites vite, cette promo de génie se termine aujourd'hui. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Le plus impatient des réseaux présente... Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi, dis. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Le plus impatient... Ah, attends, quoi? Bon. Le plus pas impatient... Encore. Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Et le flash, Chini, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. De gros soucis ce matin sur la ligne Mons-Bruxelles. Le trafic a été perturbé dès 8h du matin. Un train s'est retrouvé à l'arrêt aux environs de Neuville en raison d'un problème technique. Un passager a par ailleurs fait un malaise. Il a été emmené par une ambulance. Les 500 passagers du train bloqués ont été transbahutés dans un autre convoi. Les deux voies ont été obstruées pendant un certain temps, mais la circulation vient de reprendre. Hier, ce sont les deux fausses alertes à la bombe à Charleroi et à Bruxelles qui ont provoqué d'importantes perturbations sur le rail. 917 trains ont enregistré ensemble un retard de 25 386 minutes, soit 423 heures. 270 trains ont aussi été entièrement ou partiellement supprimés. Un Wallon sur 20 envoie régulièrement des GSM au volant. 1 sur 10 regarde souvent son portable en conduisant. Et enfin, plus d'un jeune sur 10 a déjà chassé des Pokémon au volant. Des habitudes très dangereuses. Le risque d'accident est multiplié par 23. Rédiger ou lire un message nécessite en effet de quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes. Et pour une seconde d'inattention à 90 km/h, on parcourt déjà 25 km à l'aveugle. Beaucoup de risques pour pas grand-chose puisque la moitié des personnes interrogées estiment que la plupart des messages qu'ils envoient au volant pourraient être envoyés plus tard. Pour faire face à ce phénomène, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière lance aujourd'hui une nouvelle campagne de prévention. prévention. Nouveau conseil d'entreprise ce matin chez Caterpillar à Gosselies, le troisième depuis le début de la procédure de licenciement collectif, la procédure Renault. Deux représentants de la direction américaine seront présents pour répondre aux travailleurs. Le procès de Bernard Westphal touche à sa fin aux assises de Mons. Ce matin, place aux répliques des différentes parties. L'accusé prononcera ensuite ses derniers mots avant que les jurés n'entrent en délibération. Du neuf en football, l'arbitrage vidéo arrive en Belgique. Il pourrait être mis en place dès cette saison lors des play-offs 2 en avril prochain. Il s'agirait de tests qui n'ont dans un premier temps aucune incidence sur le déroulement du match. La Belgique serait ainsi le 8e pays à instaurer l'arbitrage vidéo. Météo est encore bien frais ce matin. Du soleil plus généreux cet après-midi, mais des nuages vont assombrir progressivement le ciel d'est en ouest. Les maxima ne dépasseront pas 7 à 14 degrés. On voit comment ça roule ce matin avec Adrien Demey. Ça va mieux, même si on constate encore quelques perturbations, notamment cet accident sur le 25 entre Bastogne et Liège. C'est à hauteur des travaux de Mabonpré que l'accident s'est produit, soit à hauteur du kilomètre 68. C'est en direction de Liège. Des travaux vous ralentissent également au niveau de Dossous. C'est sur le 42 entre Mons et Liège. À l'approche de Dossous, cela ralentit en amont depuis Namur-Ouest en direction de Liège. Et puis sur le ring de Bruxelles, une tendance fortement à la baisse. Vous perdez à peine quelques minutes, 10 minutes tout au plus supplémentaire sur le tronçon entre Grand Bigard et Zaventem. Pour accéder à Bruxelles, ça reste sensiblement ralenti également sur le 411 et sur le 40 venant de Liège. Et puis au cœur de Bruxelles, suite à un chantier avenue Franklin-Roosevelt, ça provoque toujours pas mal d'embarras de circulation sur l'avenue de Frey, la chaussée de Waterloo, la chaussée de la Hulpe, la Drève de Lorraine et l'avenue Boisfort. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, la suite de C'est vous qui dites avec Benjamin Maréchal. Eh ben alors, allons-y, franco directement. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, le rendez-vous avec la question qui dérange. Hier, l'homme qui a poignardé deux policiers à Scarbeck est un ancien militaire belge. Il a fait l'armée, il a montré des signes de radicalisation quand il y était, il a été réformé et, c'est ça la question qui dérange, et l'armée n'aurait rien vu ou rien dit aux autres, c'est-à-dire aux services de sécurité, aux polices et aux communes. Donc, l'homme qui a poignardé deux policiers hier et que le parquet soupçonne d'actes terroristes est entré à l'armée en 2006 ou en 2007 selon les sources. Il aurait à l'époque montré des signes de radicalisation. Il a été longtemps absent, officiellement pour maladie, avant d'être considéré comme déserteur en 2009. On trouverait son nom dans plusieurs anciens dossiers de terrorisme. L'homme, pour la petite histoire, a par ailleurs été renversé en 2011 par un véhicule de police. Donc on n'aurait rien vu ou on n'aurait rien dit, ce qui est encore pire. Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, plusieurs pistes. Ce matin, on pourra tenter d'avoir un contact avec l'armée, avec les syndicats de la défense ou encore avec des membres de la sûreté de l'État. Vous avez un avis dans ce dossier, la manière dont on peut détecter quelqu'un. Vous avez un avis sur le passage à l'armée de cet homme qui aujourd'hui s'attaque à des policiers. Laissez un éclairage à Marion, standard. Et le problème pour Lucie de Marchauvelette, c'est le manque de communication entre l'armée et les forces de l'ordre. Si l'armée avait détecté des traces de radicalisme chez cet homme et qu'elle l'avait révoqué, en plus pour cette raison, eh bien, l'homme aurait dû être suivi par des spécialistes et surtout, l'armée aurait dû prévenir les forces de l'ordre afin de le garder à l'œil. Révoquer une personne pour terrorisme et le relâcher dans la nature, c'est du pur surréalisme à la belge. L'homme qui a poignardé deux policiers hier est un ancien militaire belge. Il a fait l'armée, montré des signes de radicalisation quand il y était, il a même été réformé et l'armée n'aurait rien vu ou rien dit. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Hier, l'avocat de Bernard Westphal a demandé aux jurés de répondre non coupable. Eh bien, on voudrait votre avis sur la pression. Y a-t-il une pression hors norme, extraordinaire, sur ces 12 jurés? Ensuite, les 16 étudiantes voilées de la haute école de la province de Liège ont gagné. Elles peuvent porter le voile à l'école. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays?

Stellemans. OLED. LED. Electro. Hi-Fi. PC. GSM. Tablette. Boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070-233-466. Est-ce que les étudiantes voilées de ce pays viennent de remporter une victoire majeure ? Hier, la justice, le juge des référés à Liège, dans une procédure en urgence, a dit à ces 16 étudiantes, eh bien oui, la haute école de la province de Liège avait tort avec son règlement. Vous pouvez porter le voile, vous pouvez le faire. 070-233-466 par SMS au 3063. Moucron est en ligne. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. On est face à une victoire ici ? Oui, une petite victoire, on va dire. C'est un des deux pour les femmes voilées, en tout cas. Vous portez le voile ? Oui, oui, je porte le voile. Et je tiens à préciser que je le porte sans aucune pression, comme beaucoup pourraient penser. Et je le mettais bien avant de connaître mon mari. Donc à la base, ce règlement de la Haute École de la province de Liège, ou d'une autre école, hein, peu importe, ce règlement qui interdisait le port du voile, il vous choquait, il vous dérangeait ? Ben, en fait, en même temps, ça me choque et en même temps, cela me dérange parce que ça interdit à des femmes d'une certaine confession d'avoir le savoir, d'avoir un apprentissage. On les exclut, on fait tout pour qu'on reste dans nos maisons et qu'on garde ce stéréotype de femme voilée qui reste dans son foyer, qui ne fait rien d'autre de sa journée, en fait. Est-ce qu'on peut vraiment déplorer la décision de la direction ? Donc la direction de l'école, elle se dit, moi je vois que des garçons musulmans avec des filles voilées agressent des filles qui ne sont pas voilées. Eh bien, pour éviter cette distinction, j'interdis le voile chez tout le monde. Et comme ça, moi, dans mes locaux, dans mes couloirs, je n'ai plus ce phénomène des voilées qui vont parler aux non-voilées. Ça avait du sens ou ça n'avait pas de sens ? Ben non, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, c'est ça qui va faire encore plus de pression sur ces femmes parce que, comme expliqué, comme par exemple qu'on va interdire à un enfant de prendre un bonbon, eh ben il va tout faire pour prendre ce bonbon. Donc je trouve que le fait d'interdire tout le temps aux musulmans de faire tel ou tel acte d'adoration par rapport à sa tenue vestimentaire, ça va encore plus nous faire une stigmatisation et à nous aider encore plus à nous radicaliser. Je pense surtout qu'il faudrait avoir un grand dialogue avec ces personnes-là qui incitent d'autres jeunes filles à être obligatoirement voilé alors que personne n'a le droit de voiler quelqu'un d'autre. Je veux dire que c'est un petit décodage, Stéphanie, un petit décodage sur cette décision de justice qui, dans le fond, dit à l'école, bah, vous devez être neutre, c'est-à-dire que vous devez respecter ceux qui veulent le voile et qui ne le veulent pas. Donc vous, vous devez être neutre. Oui. Mais l'étudiant qui vient dans l'école, il ne doit pas être neutre puisqu'il peut afficher son appartenance. C'est bizarre comme contraste. La direction, elle doit être neutre, mais l'étudiant, il ne doit pas être neutre. C'est pas dommage ? Ben, moi, je trouve qu'on est dans un pays, entre guillemets, libre, on va dire. Donc, je pense que chacun a le droit de s'habiller tel qu'il le veut, que ça soit de la direction ou non. Moi, par exemple, mes enfants sont dans une école chrétienne. Ben, à part les fêtes de congé scolaire, il n'y a rien d'autre qui est vraiment chrétien. Je veux dire, il n'y a plus de messe. On ne parle plus, par exemple, de catéchisme ou des choses comme ça, même si je suis musulmane. Mais moi, j'ai mis mes enfants dans une école chrétienne. Dernière parenthèse. Vous m'avez dit que c'était une petite victoire. C'est quoi une grande victoire dans ce dossier alors ? Parce que pour certains, c'est une grande victoire. C'est quand on va accepter que les femmes voilées puissent aller faire des études comme elles le souhaitent, voilées ou non voilées, dans toutes n'importe quelles écoles en Belgique. Ah ben on verra si cette décision de justice s'impose ailleurs, si elle fait jurisprudence, comme on dit, si d'autres étudiantes face à des règlements peuvent invoquer ce qui s'est passé ici devant le tribunal de référé de Liège. Stéphanie, la petite victoire. Charleroi en ligne. Sarah, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Qui êtes-vous ? Vous portez le voile ? Oui, je porte le voile. Est-ce qu'il y a de l'harmonie dans cette décision ? L'école dit non, les étudiants ne sont pas contentes, elles vont en justice. La justice dit à l'école, vous avez tort. Est-ce qu'il y a de l'harmonie dans ce dossier ? Écoutez, Monsieur Benjamin, je crois qu'on donne énormément d'importance à comment on doit être habillé. Voilé, non voilé, bikini, burkini, on donne beaucoup d'importance. Je crois qu'on doit être tolérant, hein, dans tous les sens, quelle que soit la religion. Donc le règlement qui interdisait le voile et tous les autres signes ostentatoires, il n'était pas tolérant. Bah, écoutez, je ne suis pas d'accord dans ce sens. Je crois qu'on est libre de porter une mini-jupe ou de porter le voile. Je ne vois pas. Je crois que le but, c'est-à-dire d'être heureux. Celle qui porte le voile, elle est heureuse, bah, tant mieux. Et celle qui porte la mini-jupe, elle est heureuse, tant mieux aussi. Par contre, je ne suis pas d'accord quand on dit, mais je crois que ça, c'est une excuse. que les filles voilées ou les garçons musulmans incitent les autres filles à porter le voile. Attendez, on vous a pas dit que c'était tout le temps tout le monde. Hein. C'est dans cette école-là, la direction de cette école-là a dit que des étudiants allaient faire pression sur les non-voilés. Oui, mais c'est le constat de la direction. C'est une exception. On va pas généraliser non plus. Ah ben c'était. Attendez, la décision de justice ici, c'est pas pour le monde entier. Hein, c'est pour une école dans un cas précis. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas précis où la direction a dit j'ai vu. Benjamin, je crois qu'on doit se poser la question d'une autre manière. Ces filles qui portent le voile, est-ce qu'elles sont heureuses? C'est ça ma question. Et pourquoi, heureuses, tant mieux, pourquoi l'étudiante est libre de mettre son voile, voilà, mais que l'école n'est pas libre de prendre une décision? Tout à fait. Ils sont majeurs. Ils portent le voile. Okay. Ils portent la mini-jupe. On s'en fout. Sarah, c'est ça la nuance de cette décision. Pourquoi l'étudiant peut être libre de et que la direction d'une école, elle, ne peut pas être libre de? Libre de lui dire, il faut porter une mini-jupe et pas le voile. Laissons la société, laissons les jeunes libres. Celles qui portent le voile, qu'elles le portent, et celles qui portent la mini-jupe, qu'elles la portent, et on s'en fout. Benjamin, donne une importance. Ah ben alors je repose la question, parce que c'est le décodage, notamment de certains, lié à cette décision. Laissons les jeunes libres, oui, c'est ce qu'a dit le tribunal, laissons-les libres, elles portent le voile, mais pourquoi la direction de la haute école, elle, ne peut pas être libre de prendre un règlement qui l'intéresse ou qui lui semble adéquat. Sarah Charleroi, EY en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Benjamin. Est-ce qu'on assiste ici à une grande victoire des étudiantes voilées de ce pays? C'est une énorme défaite, me semble-t-il, de la démocratie et surtout de l'enseignement, neutre. Ah, Jacques, donc, attendez, il y a une grande victoire de la démocratie ici. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui vont en justice, qui contestent un règlement. La justice fait le droit. C'est ça la démocratie. Hein. Ben, il faut savoir où est le droit finalement. Il y a la justice qui opère des actes officiels, mais il y a des règlements d'école. Il y a un règlement au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui n'est pas de signe ostentatoire de religion. Il n'y a pas de règlement politique qui s'impose à tous. C'est bien ça le drame pour certains, c'est qu'il n'y a pas de règlement qui s'impose à tous. Et ici, la justice est au-dessus de la haute école. Hein. Quand la justice dit, la haute école doit appliquer. Hein. On est tout sûr. Ah ben c'est le principe, c'est le principe. Bah, ces étudiantes pourront aller alors, demain avec leur voile. La justice bafoue un règlement qui finalement est un acte aussi légal. Donc ça va à l'encontre de toute une certaine politique d'intégration qui est là depuis de nombreuses années. J'entends l'astuce, mais la haute école c'est pas l'UNESCO. Hein. La haute école c'est pas non plus le Parlement belge. Hein. C'est juste un règlement d'une école dans un coin de Liège. Hein. Une école est aussi importante que n'importe quelle loi. Il y a des règlements d'ordre intérieur qui ont été validés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui doivent être réglementés. Moi, je suis protestant, mais je ne vais pas venir avec une grosse croix autour de mon cou. Je me fais une misère. Je ne montre pas mes opinions. J'attends de mes élèves aussi que la religion reste à l'extérieur de l'école. Voilà ma phrase. Ce n'est pas un problème de vêtements. Ici, on a un signe religieux qui n'existait même pas il y a 25 ans. En 96, les premiers voiles apparaissaient. Et d'ailleurs, sous l'égide de certaines personnalités religieuses musulmanes, notamment de Cherat, le voile restait à l'extérieur des Athénées. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Le port du foulard n'est pas un obstacle à l'enseignement. Voilà ce que dit la Cour. Le port du foulard n'est pas un obstacle à l'enseignement. Vous êtes d'accord? C'est un obstacle à l'intégration. C'est un obstacle. Et d'ailleurs, je vais reprendre un peu un SMS qui vous a été envoyé avec une jeune fille depuis l'âge de 11 ans, j'ai toujours porté le voile et ça ne m'a pas posé problème. Mais après, j'ai dû l'abandonner parce que j'ai travaillé pour un service public. L'école est aussi un endroit public. Pourquoi est-ce qu'on ferait dans son métier ce qu'on ne ferait pas à l'école? Permettez-moi de jouer non pas sur les mots, mais sur le sens des mots. Vous m'avez dit que le foulard était un obstacle à l'intégration, sauf que ma question portait sur l'enseignement. Est-ce que le port du foulard est un obstacle à l'enseignement? Là, on reste avec un point d'interrogation. Est-ce que le port du foulard est un obstacle à l'intégration? C'est une autre conversation. On marque une nouvelle pause. Et dans un instant, à Liège, Leïla viendra nous dire que c'est une victoire à laquelle on assiste. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Demain, j'arrête de fumer. et puis aussi de manger n'importe quoi. J'ai rencontré de graves difficultés. Maintenant, je dois me reconstruire. Pour trouver la solution à vos problèmes, faites appel à l'hypnose thérapeutique. Et pour trouver le praticien qui vous convient, hypnosia.be. Vivacité et Ouf TV présente le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. Salut, c'est Romelu Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8 000 € d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8 310 € d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Et au 070-233-466, une peur, Marion. Cette décision du tribunal des référés à Liège, l'autorisation du port du voile à l'école, pourrait ouvrir la porte à d'autres dérives. Oui, c'est bien ça. Au Standard, on me dit que maintenant que le voile va être autorisé à l'école, les étudiants ne vont plus se gêner pour porter ce qu'ils veulent en cours. Stéphane de Jourbise me dit que son fils ne retirera plus sa casquette en classe quand on lui demandera. Après tout, la casquette est un couvre-chef au même titre qu'un voile, me dit Stéphane. Barthélémy de Gramont, lui, il est juif et cette décision par rapport au voile, eh bien pour lui, ça veut dire qu'il pourra enfin porter la kippa en classe. Anaïs de Anserem, elle se pose la question par rapport au pastafaris. Est-ce que ça veut dire qu'on va autoriser les étudiants à porter des passoires sur la tête? Après tout, c'est le couvre-chef officiel de leur religion, explique Anaïs. Il y a aussi Amélie de Jumet, elle est gothique et jusqu'à présent, elle avait un peu de retenue dans sa tenue pour aller en cours. Maintenant, elle n'en aura plus, elle se maquillera comme elle voudra avec autant de noir qu'elle veut. Et surtout, elle pourra enfin porter son t-shirt préféré avec Jésus-Christ crucifié. Enfin, Kevin de Petit-Dour, lui, il est étudiant en haute école à Mons et il se demande si lui, il va bientôt pouvoir aller habillé en cours, habillé en tenue de Pokémon. C'est vous qui le dites, c'est à Liège maintenant. Leïla, bonjour. Bonjour. Vous connaissez cette haute école de la province de Liège? Oui, j'ai fait mes études. Vous avez fait des études de quoi là-bas? D'assistant psychologie. Avec voile ou sans voile? Sans voile. Est-ce qu'on assiste ici à une victoire de vos camarades, puisque vous êtes passé par là? Les 16 ont été en justice et les 16 ont eu raison. Est-ce que c'est une victoire? Oui, pour moi, oui, parce que ce sont des filles qui sont intelligentes, ce sont des filles qui ont fait leurs études, qui sont généralement en dernière année, donc qui ont pu faire tout leur cycle voilé. Et là, elles arrivent en dernière année, on leur annonce que, bah écoutez, voilà les filles, maintenant, à partir de maintenant, vous enlevez votre voile, vous ne venez plus à l'école avec, vous, enfin bref. Mettez-vous dans la peau de monsieur le directeur. Monsieur le directeur a vu des filles voilées qui allaient embêter des filles pas voilées. Moi, en tout cas, ça, je ne l'ai jamais vu parce que je suis moi-même musulmane non voilée. Je n'ai jamais assisté à de telles scènes. Je n'ai jamais eu un reproche parce que je ne suis pas voilée. Pourtant, je suis musulmane. Pourtant, j'étais avec ces filles-là tous les jours. Des filles voilées. Et monsieur le directeur a vu et il s'est dit, pour éviter ça, j'aime autant que tout le monde ne soit pas voilé. Comme ça, ça évitera au moins ces scènes de tension. Est-ce que monsieur le directeur avait tort? Je n'ai pas tort, mais ça ne le regarde pas. Après tout, je ne vois pas à quoi ça... Non, pour moi, oui, ils n'avaient pas... Voilà, les filles ont fait toutes leurs études avec leur voile. Je ne vois pas en quoi ça dérangeait. Ça n'a jamais dérangé. Parce que Jacques a dit que c'était une défaite de la démocratie. Non, mais c'est... Enfin, je ne vais pas revenir sur ce propos, mais je ne vois pas en quoi du tout. Liberté d'expression, ce sont des filles qui... Ce sont des filles comme nous, c'est juste qu'elles ont un... C'était sa vision. Retenir. Je lui ai demandé si le foulard était un obstacle à l'enseignement. Il m'a dit que c'est un obstacle à l'intégration. Non, je ne vois pas en quoi. Parce que je connais des filles voilées qui travaillent, qui sont directrices d'entreprise, ce sont des filles comme nous, je ne vois pas en quoi, parce qu'on ne voit pas leurs cheveux, elles ne se sont pas intégrées. Je ne vois pas où est le rapport, en fait. Leïla, une série de questions. Est-ce que le foulard est un obstacle à l'enseignement, oui ou non? Non, pour moi, non. Est-ce que le foulard est un obstacle à l'intégration, oui ou non? Non plus, pour moi, non. Est-ce que les jeunes filles voilées qui ont des soucis dans d'autres hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent aller en justice maintenant? Chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais pas les inciter à leur justice. Non, je n'irai pas jusqu'à là, mais Non, je parlais pour mon cas dans mon école. Est-ce que la haute école de la province de Liège est désavouée, ridiculisée par le tribunal? Non. C'est un nom que vous me donnez après réflexion. Leïla, vous êtes à Liège ce matin. Namur maintenant en ligne. Mohamed, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. Est-ce qu'il y a de l'harmonie dans ce dossier? Voilà des étudiantes qui vont retourner dans une école qui avait dit non et elles reviennent avec une décision de justice dans la main. Est-ce que l'harmonie... La justice a été faite, mais est-ce que l'harmonie a été faite? Non, pas du tout, monsieur Benjamin. Ça veut dire que ce n'est pas une victoire? Non, moi je trouve que la victoire des islamistes, oui. Ah, parce que le voile pour vous, c'est islamiste? Bien sûr, il y a une pression sur... Ça n'engage que vous, parce que Leïla, elle n'a pas cette vision-là des choses, apparemment. Oui, bien sûr, Leïla, elle ne voit pas ces choses-là. Regardez, je vous citais juste un petit exemple, ce qui se passe, je suis parti au Maroc, je suis parti en Algérie, je vous assure, c'est une catastrophe. Alors imaginez-vous, de l'autre côté, on essaye de faire tout notre possible pour que le voile soit diminué dans les écoles, et voilà, la justice, elle donne raison à des filles, à cette fille. Soi-disant, c'est celui qui demande. Alors, le règlement de l'école se pose où? Mohamed, pourquoi certaines, ce matin, sont soulagées? Oui, bien sûr. Moi, je vous dis tout simplement parce que l'intégrisme est en train de pousser. Et pour eux, c'est une grande victoire. Mais l'école, elle n'a jamais parlé d'intégrisme. Elle n'a pas dit « je fais ah un oui, règlement bien sûr, pour éviter l'intégrisme ». C'est normal, M. Benjamin. Dans les écoles, on ne parle pas de l'intégrisme. Mais au fond de eux-mêmes, et les associations qui poussent l'intégrisme. Et le tribunal, il n'a pas vu d'intégrisme non plus dans ce dossier? Oui, bien sûr, le tribunal, pour eux, c'est un jugement qui est démocratique, mais je crois qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au fond. Mohamed, que doit penser la direction de la haute école ce matin? Ils sont vraiment, moi, pour moi, si j'étais le responsable, je suis vraiment diminué dans mes principes. Diminué dans ses principes. Diminué, c'est le mot que je note sur le comportement que devrait avoir la direction ce matin. Diminué, ou en tout cas dans la perception de ses principes. Nous sommes maintenant à Marchand Famène. Robert, bonjour. Bonjour Benjamin. Quand on vous dit que c'est une victoire, vous dites... Non. Ah, quand on vous dit que c'est une défaite, vous dites... Oui, bah, pour la justice, oui, c'est une défaite, tout à fait. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est que moi, je ne comprends pas. Le jour où ils vont aller travailler, qu'on leur dit, bon, vous pouvez travailler, mais vous enlevez votre voile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller attaquer le patron en justice. Attendez, une chose à la fois, on n'est pas sur le lieu de travail, on est dans le moment de l'enseignement. Et le port du foulard n'est pas un obstacle à l'enseignement, a dit la justice. Oui, ben alors, ça, c'est la faute aussi du gouvernement, qui met un règlement pour tout le monde, et ce sera clair et net comme ça. Parce que maintenant, tout le monde veut faire ce qu'ils peuvent. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça vaut encore la peine de prendre une décision collective pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles quand une justice dit que ce règlement ne peut pas? Mais moi, je trouve ça scandaleux. Il y a des règlements. Les règlements sont faits pour être suivis. Bah alors, on parle d'intégration, mais il faut arrêter, quoi. Vous dites quoi, ces 16 jeunes filles? Ces 16 jeunes filles sont devant vous, et elles vous disent, monsieur Robert, moi je veux faire des études, je veux continuer mes études, et oui j'ai un voile, mais je veux apprendre. Vous dites quoi, ces 16 jeunes filles? Bah, je suis d'accord qu'ils apprennent, mais qu'ils enlèvent leur voile, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus aucun problème là-dessus. Mais moi je veux garder mon voile, donc vous leur dites, ne venez plus à l'école. Exactement. Ah, c'est ça que vous dites? Oui, je dis ça, oui. Ah ben non, l'enseignement est un droit, c'est pas un privilège, c'est un droit. Robert, vous êtes à Marchand Famène. Il est 10h30, c'est l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les Appelants de ce matin, combien estime que cette décision de justice va mettre la pression sur toutes les musulmanes non voilées? 80% estiment que cette décision va mettre la pression sur toutes les musulmanes qui ne portent pas le voile à l'école pour le moment. Le regard des musulmanes voilées va être dur à supporter pour celles qui jusqu'à présent avaient fait le choix de ne pas se couvrir la tête en classe. Sarah Deninan me l'a dit, jusqu'à présent elle utilisait l'excuse du règlement pour ne pas porter le voile à l'école. Maintenant, elle va se sentir obligée de le mettre. C'est le RTBF Mobile Info, Adrien Demey. Oui, avec une situation encore relativement ralentie sur certains tronçons, notamment suite à cet accident qui s'est produit sur l'E25 entre Bastogne et Liège. C'est à hauteur de Mâbonpré que l'accident s'est produit au niveau de la zone des travaux. Donc au kilomètre 68, l'accident s'est produit en direction de Liège. Pour le reste, du côté de Bruxelles, ça ralentit encore sur certains tronçons du Ring, mais rien de bien exceptionnel. La tendance est fortement à la baisse, pratiquement normalisée. Quelques minutes encore perdues sur le tronçon Grand Bigard-Zaventem, tout au plus à ce normalisé. normalise sur les autres tronçons du ring de Bruxelles. Ça reste ralenti au niveau de certains tunnels au cœur de la capitale. Et puis notons cet accrochage au cœur de Bruxelles, à l'entrée du tunnel Loye. Si vous l'empruntez, c'est la bande droite qui est neutralisée vers le centre. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. L'homme qui a poignardé hier deux policiers à Scarbeck faisait partie de l'armée. Il a fait l'armée, il y a montré des signes de radicalisation, il a même été réformé et l'armée n'aurait rien vu. Ou pire, rien dit. C'est ça qui dérange. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Bonne nouvelle pour les futurs parents et jeunes mamans. Le Salon Baby Days se tiendra à Tour Taxi le 8-9 octobre. Découvrez toutes les nouveautés. Vous recevrez en plus des cadeaux, des échantillons et une photo gratuite de votre bébé. Baby Days à Tour Taxi le 8-9 octobre de 10h à 18h. Info babydays.be. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Hier, deux policiers ont été attaqués au couteau à Scarbeck et l'homme qui a poignardé ces deux policiers a fait partie de l'armée. Il a fait partie de l'armée en 2006-2007. Il y aurait montré des signes de radicalisation, a été longtemps absent, officiellement pour maladie avant d'être considéré comme déserteur en 2009 et on trouverait en plus son nom dans plusieurs dossiers terrorisme. La question qui dérange ce matin, c'est la suivante. Et dans tout ça, l'armée n'aurait rien vu, ou pire, rien dit. Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom à nous donner maintenant? Oui, un nom, c'est celui de Gilles Van Osteuys. C'est le porte-parole du SLFP Défense. Alors, depuis 4 ans et demi, eh bien, il y a une proposition de screening qui a été demandée par le monde politique. Mais ce screening des militaires ne se fait qu'avant l'intégration. Une fois que les hommes ont intégré l'armée, eh bien, il n'y a plus de screening. Il y a juste des procédures en interne. Et en cas de radicalisation, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, m'a dit le syndicaliste. C'est d'éjecter l'homme de la défense. D'ailleurs, avant d'intégrer l'armée, les hommes doivent signer une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils jurent n'avoir jamais eu de contact avec une organisation terroriste. S'il y a des dérapages par la suite, eh bien cette déclaration pourra être utilisée comme preuve pénale. Finalement, lorsque ce screening a été mis en place, eh bien il y avait une soixantaine de militaires qui étaient suivis. Si les doutes se confirment, eh bien ces personnes seront purement et simplement expulsées de l'armée. S'il y a des éléments de preuve concernant un comportement inapproprié, eh bien les services de renseignement peuvent également faire une enquête en interne. Et si on en parle ce matin, évidemment, c'est parce qu'il y a suspicion d'actes terroristes. Voilà pourquoi le parquet est en charge et enquête. Vous avez dans ce dossier, sur un militaire qui a poignardé des policiers, un ex-militaire, on s'entend bien. Si vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Marion au standard. Et le problème pour Jean-Charles de Beauvais, prochain, c'est l'OCAM qui n'augmente pas le niveau de menace pour les forces de l'ordre. Alors que depuis les deux attaques des deux policières à Charleroi, il y a de plus en plus d'attaques menées contre les forces de l'ordre. Ils sont la première cible des détraqués et des radicalisés. Jean-Charles ne comprend pas pourquoi le niveau de la menace n'a pas encore été relevé pour eux. Et l'armée dans tout ça n'aurait rien vu ou rien dit. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur ces 16 étudiantes voilées de la haute école de la province de Liège qui ont gagné. Elles peuvent donc, c'est la justice qui l'a dit, porter le voile à l'école. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays ? Décision tombée hier du tribunal des référés de Liège qui a tranché. Non, haute école, vous ne pouviez pas interdire le voile. Haute école, le port du foulard n'est pas un obstacle à l'enseignement. La panne en ligne, Suzy, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Benjamin. C'est un jour de victoire ? Non. Je ne suis pas d'accord. Quand il y a un règlement à suivre, on le suit. Que ce soit pour n'importe où, dans n'importe quel lieu. Ah ben le règlement peut ne pas être correct et juste, c'est à ça que servent les tribunaux. Ah oui, mais les tribunaux n'ont pas à intervenir à ce moment-là. C'est comme j'ai dit à votre dame à côté. Voilà, si vous tolérez le voile, enfin si on tolère le voile, eh bien on doit tolérer tout le reste aussi. C'est-à-dire que demain, un élève ou n'importe va venir à moitié nu, bien avec des chapeaux boules, n'importe. La direction de l'école n'aura absolument rien à leur dire parce qu'on a toléré une chose. Donc, est-ce comparable? On parle d'un foulard, on parle pas de quelqu'un qui vient à nu et qui tombe sous le coup de la loi exhibitionnisme. Parle-t-on vraiment de la même chose? Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous dis, on tolère une chose, faut tolérer le reste. Eh bien, la justice a estimé que ce règlement n'était pas légal. Et si ce n'est pas la justice qui peut le faire, qui d'autre? La justice rend le droit, Suzy. Ah oui, alors la justice doit donner le droit au reste aussi. Pourquoi une étudiante voilée aurait dû s'abstenir d'aller étudier? Pourquoi une étudiante voilée aurait dû s'abstenir d'apprendre? Non, je ne suis pas contre le voile, mais puisque c'est le règlement, l'école a dit non, eh bien c'est non. Qu'elle le mette dehors ou n'importe où, ça ne me dérange absolument pas. Suzy, ne m'en voulez pas de vous dire le droit, mais la justice est au-dessus de la haute école de la province de Liège. Ah, c'est comme ça. Oui, bien la justice aurait mieux fait de ne pas s'occuper de ça. La justice a été saisie par ces 16 étudiantes. Vous leur dites quoi aux 16 étudiantes ce matin qui ont gagné? Qu'elles n'ont pas gagné, parce que ça ne va pas continuer, c'est tout. Ah ben là, elles ont gagné. Alors effectivement, l'école peut faire appel, mais là pour l'instant, le point est pris par les 16. Suzy, je crois comprendre que ça vous arrange moyennement. Il est 10h39, on appelle les experts. On me signale que la haute école de la province de Liège ne souhaite plus s'exprimer sur le sujet. C'est un contact que nous avons eu via Mélanie Orantaine. Nous appelons donc le vice-président du collectif contre l'islamophobie en Belgique, Ajib El Hajjaji. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Vivacité. Est-ce que c'est une bonne décision de justice ou elle ne vous convient pas? Donc d'abord, ce n'est pas une victoire du foulard, c'est une victoire de l'état de droit et de la réaffirmation de principes fondamentaux, notamment la liberté de conscience, d'expression et la liberté de religion. Il faut savoir que nous vivons dans un état où il y a des droits et des devoirs, et donc les étudiantes, elles respectent leurs devoirs, et donc elles ont aussi la possibilité de pouvoir jouir de leurs droits. Il faut savoir que par le passé, elles portaient déjà un foulard en allant à l'école, et que pour ces étudiantes, leur scolarité se passait tout à fait normalement. La haute école a signalé avoir connu des difficultés en matière de prosélytisme ou en matière de tensions interculturelles. Donc ça, nous pouvons tout à fait l'entendre, mais à ces problèmes-là, ils y apportaient une très mauvaise réponse, Alors, quelle réponse, une interdiction généralisée. Quelle réponse aurait dû apporter la haute école? Alors, parce qu'effectivement, elle a vu que certains allaient embêter les non-voilés, que ce soit des femmes voilées ou des garçons musulmans, dit l'école. Quelle réponse elle aurait dû apporter alors? Donc, il y a un cas qui a été rapporté de pression sur une étudiante, et très clairement, ce cas-là, il relève du prosélytisme. Et le prosélytisme, il est déjà sanctionné par le règlement d'ordre intérieur. Donc nous n'avons aucun problème à ce que l'école soit très dure vis-à-vis des étudiants qui ont des dysfonctionnements en matière de comportement, mais qu'on laisse tranquille les étudiantes majeures, il faut le rappeler, on est dans une haute école, qui vont à l'école tout à fait normalement, qui souhaitent pouvoir suivre une scolarité normale et avoir un diplôme qui est quand même un passeport pour l'avenir. À propos de l'égalité entre les acteurs de ce dossier, eh bien voilà que les étudiants, eux, peuvent ne pas être neutres, venir avec un foulard, mais l'école, elle est obligée d'être neutre en acceptant tout le monde. Pourquoi il y en a un, je vais vulgariser à l'extrême, mais pourquoi il y en a un qui peut se montrer non neutre et l'autre qui doit, au nom de la neutralité, tout accepter? Mais parce que d'un côté, on a ce qu'on appelle les usagers d'un service public, et de l'autre côté, on a une autorité publique. Et donc l'autorité publique, elle a précisément un cadre et des règles à respecter, précisément pour respecter la liberté des étudiants. Si on suit la logique d'une interdiction totale, ça voudrait dire que demain, une dame qui porte un foulard et qui rentrerait dans un bus devrait l'enlever parce que le bus, c'est public. C'est totalement aberrant comme réflexion. Nous vivons dans une société de liberté. Cette liberté, elle est valable pour tout le monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la justice a rappelé le bon sens, à savoir la réaffirmation de l'état de droit. Vous lisez comment ? C'est pour la haute école. Excusez-moi, ce qu'il faut maintenant, c'est pour la haute école amener par le dialogue et la concertation avec les premières concernées des vraies solutions nuancées, constructives et proportionnées par rapport à leurs difficultés. On fait quoi ailleurs maintenant ? Est-ce que vous souhaitez que cette ordonnance du tribunal de référé s'applique à toutes les hautes écoles de ce pays ? Enfin, de ce pays francophone ? Pour nous, le bon modèle... Pour nous, le bon modèle, ce sont les universités en Belgique. Donc l'ensemble des universités en Belgique acceptent les signes convictionnels et notamment le foulard, et ça se passe très bien. On est entre adultes responsables, la majorité des étudiantes ne pose aucun problème, et quand il y a des problèmes, il faut agir au cas par cas et apporter une sanction à l'auteur du problème. Donc effectivement, il y a aujourd'hui d'autres hautes écoles, mais aussi des instituts de promotion sociale qui interdisent aussi le foulard. Et je pense que c'est au ministre d'avoir une réflexion globale pour apporter une solution qui va dans le sens de la loi et dans le sens de la recommandation d'Ounia, qui est aussi pour la liberté. Il y a peut-être un tournant dans ce dossier, peut-être un tournant qui s'appliquera à d'autres. Vous êtes vice-président du collectif contre l'islamophobie en Belgique, Ajib El Hajjaji. Merci de nous avoir rejoints. Au 070-233-466, Marion, quand il y a un règlement, il faut suivre le règlement. Ce sera aussi simple que ça. Oui, c'est bien ça. Le règlement, c'est le règlement. Il faut le suivre, selon Thibault de Petit-Dour. La justice qui va à l'encontre d'un règlement scolaire, pour lui, c'est carrément une défaite, pas une victoire. Un règlement, c'est un règlement, il le répète, il faut le suivre. Et si on n'est pas d'accord avec, eh bien, on s'inscrit dans une autre école, me dit Thibault. Fatima de Profonsard, elle est musulmane et voilée. Elle a eu fini ses études il y a 10 ans. Et à l'époque, elle enlevait son voile avant de rentrer à l'école et elle le remettait en sortant. Elle a fait 3 ans d'études supérieures comme ça et elle ne voit pas où était le problème d'agir de cette façon. Au moins, elle respectait le règlement de l'école et elle avait aussi l'impression de respecter ses convictions religieuses. Ce procès, Fatima considère que c'est juste de la mauvaise volonté de la part de ces 16 filles. C'est vous qui le dites à Kuckelberg. Sozy est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous voyez une victoire dans ce qui se passe ? Parce que pour moi, je veux dire, le jugement qui a été rendu est un jugement qui défend nos libertés individuelles. Et ça m'étonne que personne... C'est qui, non ? Maintenant, votre... à nous tous. Parce que si demain on pouvait permettre... à n'importe quel établissement, d'interdire les gens. On pourrait demain faire un règlement en disant, bon, ben voilà, tous les gens qui ont un tatouage visible seront privés de cours. Ou les gens qui viendraient habillés de rouge tout en sachant que ce serait par conviction politique en disant, oui, ben maintenant on va bannir le rouge parce que c'est des communistes. Que les choses soient claires, vous me dites que c'est une victoire pour les musulmans et les non-musulmans, non-voilés. C'est la victoire de tous. Non, j'ai pas dit que c'était une victoire pour les musulmans. Non, vous avez dit que c'est une victoire pour nos libertés individuelles, donc ça vise tout le monde. Pour nos libertés individuelles, donc ne généralisons pas. Donc je repose la question, c'est la victoire des musulmans et des non-musulmans, c'est la victoire de tous. Bien sûr, c'est la victoire de tous aujourd'hui sur le plan de nos libertés individuelles. Parce que sinon, demain, on ne pourra plus porter de dreadlocks, on ne pourra plus mettre un tatouage. Je veux dire. Pourquoi il y a de la colère ? Je le vois dans la SMS au 3063. Bah, personne ne m'a dit comme vous que c'était la victoire de tous. Mais justement, ça m'étonne. Justement, ça m'étonne. Et alors, je pense qu'on mène le débat sur autre chose et qu'aujourd'hui, il y a réellement un problème de société. Qu'on ne veut pas le dire, on est toujours autour de cette histoire du voile, on en a marre de cette histoire du voile. Ah ben là, c'est la fin du dossier, le règlement avait été suspendu, là il y a la décision de justice, on verra si l'école fait appel, ça reste le dernier point d'interrogation, mais là l'histoire est finie a priori. On marque une pause, Sozy, on va vers la question qui dérange. L'armée n'a pas vu que l'homme qui poignardait hier deux policiers à Scarbec s'était radicalisé. Ah bon ? Pluie. Je résiste. Chaleur. Je résiste. Vent. Je résiste. Neige. Je résiste. Envahisseur. Je résiste. Eh bien, mon cher châssis Torix, je déclare que tu es tout aussi résistant que les châssis belges de Fermalux. Bravo. Parce que les châssis belges fabriqués chez Fermalux résistent à tout. Rendez-vous aux portes ouvertes. Fermalux, c'est 8 et 9 octobre. Profitez de nos conditions spéciales et des conseils personnalisés dans Coach Couleur. Sans souci à l'abri, Fermalux. Plus d'infos sur fermalux.be. Hello, Hip pour vous servir. Découvrez des promotions jamais vues grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Avec en ce moment, le jambon cru italien Montorsi à seulement bam, 9 euros le kilo. Faites vite, cette promo de génie se termine aujourd'hui. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199 euros. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non! Ah, bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve disponible dans votre boutique Vous. Il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Cigogne et compagnie. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Des personnages déjantés dans une aventure décoiffante. Ça c'est une caille, ça un émeu, il y a un poulet, rien de tout ça ne vole. Pour y assister, le 9 octobre à 11h à Bruxelles ou à Liège, composez le 0905 56 471 50 cents par appel. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirais Bon appétit. Je t'aime. Oh, ou juste love. T'es chou. Mais comment, c'est vrai? Bravo, ma puce. Pour ma petite fille. Bisous. Mouah. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. C'est vous qui le dites. La question qui dérange. L'homme qui a poignardé deux policiers hier est un ancien militaire. On appelle le SLFP Défense dans un instant. Dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Sylvie de Plancenoit, c'est l'armement des policiers. Les policiers devraient tous être armés en permanence, selon Sylvie. Si les policiers avaient des armes, les terroristes réfléchiraient à deux fois avant de les attaquer. Mais surtout, les policiers neutraliseraient leurs agresseurs beaucoup plus rapidement et avec moins de dégâts. Bon, intéressons-nous au profil de l'homme qui hier a poignardé. Il a fait partie de l'armée. Il avait, dit-on, montré des signes de radicalisation quand il y était. Il a été réformé. On appelle le porte-parole du syndicat SLFP Défense, Gilles Van Oost-Huys, en ligne. Bonjour. Bonjour. D'abord, une parenthèse pour bien comprendre l'armée. Est-ce que l'armée belge a un service de renseignement militaire? Est-ce que l'armée belge a un service secret? Un service de renseignement militaire, oui, effectivement. Et donc, ces gens-là sont obligés de faire un screening des personnes qui rentrent à l'armée et d'organiser un suivi des personnes. Et effectivement, à un moment donné, si on constate un comportement inapproprié, ces services de renseignement peuvent retirer des agrégations de sécurité et faire en sorte, in fine, que des individus quittent la défense pour ces raisons de sécurité. Quel était l'état du screening en 2006-2007? Donc on dit que cet homme est rentré à l'armée à ce moment-là. Est-ce que le screening était déjà effectif, important, bien fait, mal fait? Replongez-nous en 2006. Voilà, vous faites bien de relever ce point, parce qu'effectivement, personne ne s'attendait à ce qu'on allait avoir des attentats en Belgique le 22 mars. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, ça a presque 10 ans, où on ne pensait pas à devoir répondre à une telle menace. Donc, mais à l'initiative de parlementaires comme Denis Ducarme, par exemple, il y a une demande qui a été faite de manière à faire en sorte que les personnes qui rentrent à la défense correspondent à un certain profil de valeur et psychologique, de manière à ce qu'on puisse garantir une certaine sécurité. Est-ce que vous connaissez ce monsieur, donc, qui est entré à l'armée 2006-2007? Il aurait été longtemps, dit-on, malade, absent, mais à tel point qu'à un moment, il est réformé. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner plus d'infos sur ce profil ce matin? Sur son profil, non, je ne peux pas vous donner des informations plus précises par rapport à ça. Ce que l'on peut dire, c'est que s'il a fait un passage relativement court à la défense, ici on parle d'une période à peu près de 3 ans, vous savez, à l'époque, lorsqu'on avait des miliciens, des gens faisaient aussi un passage par l'armée. Pour autant, ils n'agressaient pas les gens peut-être dans la rue, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'on se trompe de débat. En ce qui nous concerne ici, c'est pas parce qu'une personne a été alarmée. Je pense que si la personne avait travaillé dans une boucherie et avait utilisé des couteaux, on poserait la question, est-ce que c'est dangereux ou pas? Ah non, l'interrogation, c'est qu'il y a suspicion ce matin de radicalisation et de signes, ouais, au moment déjà où il était alarmé, peut-être même un peu après. Et donc l'interrogation majeure, c'est est-ce que le service de renseignement militaire savait? S'il savait, pourquoi il n'a pas dit? C'est ça l'interrogation. Je ne peux pas affirmer que les services de renseignement le savaient, mais les signes de radicalisation, vous savez, ça peut se faire avec du temps, et ce n'est pas nécessairement toujours dans le milieu militaire que ça se passe. Donc, c'est effectivement, maintenant, on met un focus sur ces points qui sont très sensibles au jour d'aujourd'hui, et notamment suite aux attaques qui se sont passées cette semaine-ci. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas non plus cette mesure de précaution qui était à l'ordre du jour. Donc, il y avait peut-être d'autres choses qui regardent. À l'époque, on parlait peut-être plus de bandes de motards ou des gens qui avaient des contacts avec des organisations criminelles simples. Mais ici, on parle de terrorisme ou de djihadisme, des choses de ce genre-là. Donc, le momentum a changé et les objectifs ont changé aussi. À partir de maintenant, nous sommes le 6 octobre, à partir de maintenant ou dès demain, est-ce qu'on détectera, est-ce qu'on analysera le profil des miliciens en cours de service, en cours de contrat ou toujours pas? Oui, moi je peux vous dire que oui, parce qu'à l'époque, on pouvait estimer, avant que les mesures ne soient prises en interne suite aux propositions des parlementaires, il y avait à peu près 60 personnes qui étaient suivies ou qui étaient renseignées comme étant personnes avec des contacts. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 20-25 personnes, ce qui veut dire que en fonction du niveau de dangerosité, on prend des mesures. Je pense aussi, et je l'espère, que les relations entre le service de renseignement de la défense et civil fonctionneront également mieux, vous savez. Donc c'est que ça ne fonctionne pas. Si vous espérez que ça fonctionne mieux, c'est que ça ne fonctionne pas. Mieux ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que ça fonctionne, mais ça peut encore aller mieux. On peut aller plus loin, on peut mettre en cours plus de synergie entre les services. Vous savez, si je prends un exemple entre la police française et la police belge, il y a parfois des choses qui dysfonctionnent et il faut améliorer les choses. Honnêtement, il y a un peu de rétention d'infos ou pas? On connaît la guerre des services, la gendarmerie, la police ont bien connu ça. Il y a un peu de rétention d'infos ou pas entre services secrets civils et militaires? Sérieusement? Excusez-moi d'être très plat, mais ce serait débile de voir une rétention d'infos dans le contexte actuel. Non, je pense qu'il faut solidariser tout ça, il faut effectivement augmenter la communication, l'améliorer encore plus, et je pense qu'à ce moment-là, on arrivera encore à un meilleur résultat. Mais le risque zéro n'existe pas. C'est une évidence. Dans tous les cas de figure, on retiendra cette conversation que des militaires font l'objet de screening et d'analyse un petit peu plus précise en cours de service, donc, avez-vous dit. Et Gilles Van Oosthuis, vous êtes le porte-parole du SLFP Défense, sans information complémentaire sur le profil de cet homme qui est passé 3 ans à l'armée, qui donc hier a poignardé 2 policiers sur le territoire de Schaarbeek. Voilà pour la question qui dérange, on va maintenant vers les enseignements de C'est vous qui le dites. Électro, dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Électro, dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils? C'est simple, tous nos produits sont stockés en magasin, donc moins de frais et une disponibilité immédiate. Découvrez comment vous profitez des économies que nous faisons sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, Métro et Dimerx. Électro, dépôt. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. SCID, portes et fenêtres. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID, portes et fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Biome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. À Biome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. À Biome, fenêtres, portes, vérandas. À Biome.be. Salut, c'est Kevin Miralas sur Vivacité, la radio diablement complice. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abio, fenêtres, portes, véranda. Abio.be. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! The stick can reach me. N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. T'as quand même pas trop. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence Zoé Boss sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, par le débrief de la question qui dérange. Il y a un ancien militaire qu'on n'a pas pu détecter radicalisé et qui hier poignarde deux policiers. Sur la page Facebook, vous êtes 42 081 à faire le débat ce matin, dont Anne-Marie. Pauvre policier, c'est triste d'en arriver là. Plus aucun respect pour ce noble métier. C'est le résultat d'avoir donné la nationalité à n'importe qui, nous dit Anne-Marie sur Facebook. Vous avez choisi une conversation tout à l'heure sur ces 16 étudiantes voilées de la Haute École de la province de Liège qui ont donc gagné une victoire. Elles peuvent porter leur voile à l'école. Est-ce que c'est une victoire pour toutes les étudiantes voilées de ce pays ? Oui, avez-vous répondu. Plusieurs femmes voilées nous ont parlé de victoire pour elles, jusqu'à l'élargissement et la surprise, puisque Sozi a estimé que c'était une victoire, dans le fond, pour tous les Belges, une victoire des libertés individuelles. Il était le seul à le penser. Vous aurez noté également ce matin une forme de colère et d'insatisfaction à la lecture de l'ordonnance du tribunal. Et puis un simple rappel, les décisions de justice sont au-dessus des décisions de haute école. Ainsi va la loi dans ce pays. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Claudia de Liège. Pour Claudia, c'est clairement une victoire pour ces jeunes filles. On parle d'intégration en Belgique des musulmans, mais on refuse aux jeunes filles musulmanes d'aller à l'école ou de travailler tout en respectant leur religion. Claudia ne comprend pas. Elle se demande quelle va être la prochaine étape. Est-ce qu'on va bientôt interdire le ramadan à l'école ? C'est la question que Claudia se pose ce matin. Elle traite la Belgique de faussement tolérante et d'anti-intégration. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur les hautes écoles de ce pays qui désormais permettent les étudiants voilée parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Stéphanie de Moucron à 10h13. Pour Stéphanie, cette décision de la justice, c'est clairement une victoire. Interdire le voile à l'école, c'est stigmatiser les musulmanes. Je porte le voile et je tiens à préciser que je le porte sans aucune pression, comme beaucoup pourraient penser, et je le mettais bien avant de connaître mon mari. Je trouve que le fait d'interdire tout le temps aux musulmans de faire tel ou tel acte d'adoration par rapport à sa tenue vestimentaire, ça va encore plus nous faire une stigmatisation. Oui, une petite victoire, on va dire. C'est un des deux pour les femmes voilées, en tout cas. Je trouve qu'on est dans un pays, entre guillemets, libre, on va dire. Donc, je pense que chacun a le droit de s'habiller tel qu'il le veut. Je crois qu'on donne énormément d'importance à comment on doit être habillé. Laissons les jeunes libres. Celle qui porte le voile, elle est heureuse, bah, tant mieux. Et celle qui porte la mini-jupe, elle est heureuse, tant mieux aussi. Il y a des règlements d'ordre intérieur qui ont été validés par la Fédération Wallonie Bruxelles et qui doivent être réglementés. Moi, je suis protestant, mais je ne vais pas venir avec une grosse croix autour de mon cou. Je me fais une misère. Je ne montre pas mes opinions. J'attends de mes élèves aussi que la religion reste à l'extérieur de l'école. C'est un obstacle à l'intégration. Ce sont des filles qui sont intelligentes, ce sont des filles qui ont fait leurs études, qui sont généralement en dernière année, donc qui ont pu faire tout leur cycle voilé. Et là, elles arrivent en dernière année, on leur annonce que, bah, écoutez, voilà les filles, maintenant, à partir de maintenant, vous enlevez votre voile, vous ne venez plus à l'école avec. Enfin bref, les filles ont fait toutes leurs études avec leur voile, je ne vois pas en quoi ça dérangeait. C'est la victoire de tous aujourd'hui sur le plan de nos libertés individuelles. On pourrait demain faire un règlement en disant, bon, ben voilà, tous les gens qui ont un tatouage visible seront privés de cours. Le jugement qui a été rendu est un jugement qui défend nos libertés individuelles, à nous tous. Voilà donc pour nos 2 heures de dialogue. Si vous avez un commentaire supplémentaire, laissez-le sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. Si vous avez une plainte, écrivez au CSA ou alors laissez-nous le commentaire également sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. Tous les commentaires sont lus, analysés, observés. À demain, bonne journée.